Rock. 89.1. Cette semaine, on met du plan de show. Dans Television, NBC travaille sur une sitcom qui serait diffusée en direct chaque semaine. Moi, je propose une version en direct de Dexter avec meurtre et tout en direct. Ça s'appellerait En Directeur. Hein? Dans le segment Geek Scenic, c'est Steve Ballmer et celui qui a écrit le texte de l'écran bleu de Windows. On pourrait dire que Steve Ballmer, c'est comme le Dexter des ordinateurs ou Lord Dexternator. Et on suit en direct pour vous l'annonce du prochain iPhone et autres trucs au Mathieu Plancho tout de suite. Et voici celui qui se frappe la tête contre son bureau ou son Deskster, Mathieu Plante. Le pire, c'est que j'écoute même pas Dexter. T'sais, si je faisais des blagues parce que j'écoutais Dexter, ça aurait du sens. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Bienvenue dans notre nouvelle case horaire automnale permanente, les mardis de 13h à 15h. J'espère que vous allez pouvoir être là à chaque semaine. Si vous avez un souvenir que j'avais annoncé que la nouvelle case horaire était le matin... Faites comme si de rien n'était. Ce n'était qu'un rêve. Aujourd'hui, émission, le segment Geek Scenic, le survol du net dans WoW at Web. C'est un fait, Tech Edition et la chronique de science et technologie. Merci, science. On va aussi continuer notre série musicale Super Mario 64, Portrait of a Plumber, qui rend hommage à la musique de Super Mario 64. Pour terminer l'émission, parlant de Super Mario 64, on va débuter une nouvelle chronique ponctuelle sur les jeux vidéo rétro avec notre nouveau collaborateur, Samuel Girard. Il va justement nous parler aujourd'hui de Super Mario 64. Dans quelques instants, on va débuter comme toujours avec Television. On va suivre autour de l'émission, pendant toutes les deux heures, la conférence de presse d'Apple qui commence en direct maintenant, mardi 13h, heure de l'Est, 10h dans le Pacifique. Ça se passe maintenant, on suit ça tout le long. Mais pour l'instant, donc on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo. Je vous présente un premier extrait par l'artiste National Broadcast Network. Voici Rumble in the Garden. Sur C'est fou, c'est rock. Garage un peu. Au Mathieu Plante. We'll be right back. La pièce Rumble in the Garden par National Broadcast Network au Mathieu Plante Show. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de CNX à travers l'émission. Commençons tout de suite en regardant ce qui se passe du côté d'Apple en ce moment. Donc, je suis sur TheVerge.com et je suis ça un petit peu en même temps que vous. Donc, allons-y comme ça. On a vu par drone de quoi avait l'air la bâtisse à l'avance. Une grosse bâtisse blanche. C'est très, très, comment dire, de retour à la base. Back to basics pour Apple là-dessus. Donc, avançons un petit peu plus dans le présent. Évidemment, là, on nous montre, on se flatte dans le sens du poil là, chez Apple. On parle de changer les choses. Qu'il y a tellement eu d'iPhone qui sont vendus depuis les dernières années, etc., etc. On voit le public, tout le monde sur son portable avant le début de tout ça. Tout le monde est vraiment planté sur son portable. Suivez une vision. Les choses qui importent vraiment, une nouvelle façon de faire les choses, changer les choses, des thèmes récurrents, penser différemment, un peu comme Apple dit depuis les années 80, je pense, penser différemment. Il me semble que ça date pas mal. On parle que... Tantôt, j'ai vu que Gwen Stefani et Dr. Dre s'en venaient au Flynn Center. C'est évidemment le Flynn Center, l'endroit où le iMac a été présenté pour la première fois il y a, je crois, 30 ans de ça. J'ai pas le chiffre devant moi, mais je crois que c'était environ il y a 30 ans. Le Macintosh est quand même assez important. Le iMac qui signalisait la renaissance d'Apple. Là, on parle de chiffres et de trucs comme ça. Deux nouveaux iPhones l'année passée. Le smartphone le plus vendu dans le monde, numéro 1. Il y a une grande, le grand numéro 1 affiché à l'écran. On rappelle un petit peu le lancement du iPhone en 2007 de la part de Steve Jobs qui disait qu'il avait réinventé le téléphone. Donc c'est ce qu'ils ont fait et ils disent en fait Tim Cook dit aujourd'hui nous lançons le plus grand la plus grande avancée dans l'histoire du iPhone. Voilà. On montre une vidéo. Et on montre évidemment l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS à l'époque, comment ils ont l'air tellement vieux jeu maintenant dans le présent. On montre le derrière courbé du iPhone, noir. Ça ressemble exactement à ce que les fuites montraient. Ça, je pense qu'on s'y attendait. Il y a tellement eu de morceaux qui ont circulé. Tout le monde avait les mêmes. C'était impossible que ce soit des copies. Il y en a un plus gros, évidemment. On parle de deux grandeurs. Là, c'est en direct. En ce moment, on est rendu à 10h08, heure de l'Ouest. Donc, 13h08 dans l'Est. On est à 2 minutes environ du direct en ce moment, alors que je vous parle. Avec une caméra qui sort un petit peu à l'arrière, donc qui n'est pas flush avec la machine en tant que telle. Il y a c'est un petit peu bombé, la caméra à l'arrière, comme les fuites le disaient. Tout le monde applaudit pour le plus grand modèle. C'est massif, qu'on nous dit dans l'article. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, et finalement le nom. Je l'apprends en même temps que vous, iPhone Plus. J'avais entendu iPhone Pro, j'avais entendu plein de choses comme ça. Plus est donc le nom qu'on lui donne. Super beau, edge to edge. Donc le décor est noir sur le téléphone d'un bout à l'autre. Et un modèle doré encore une fois. Donc l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, c'est ce qu'on a retenu en ce moment. Évidemment, Tim Cook dit les plus beaux téléphones, les meilleurs téléphones que vous avez jamais vus. Phil Schiller prend la scène. On n'y est pas avec ça. Les choses vont vraiment très très vite là, en ce moment. Comme je l'ai dit, il est 10h10 dans l'Ouest. Même heure, 1h10, on est en direct là-dessus. On parle de derrière en aluminium, anodized aluminum. Apple prévoyait faire, dès le départ, Apple prévoyait faire deux différentes grandeurs de téléphone, nous disent-ils, donc depuis le début du iPhone. Affichage Retina HD, nouvelle génération d'affichage, qu'on appelle sRGB actif, c'est-à-dire un écran LCD quand même. Ion strengthened, donc renforcé grâce aux ions. C'est une vitre renforcée par les ions et non pas du saphir comme on avait affirmé ou en tout cas présumé dans les fuites depuis les derniers mois. On parle vraiment de technologie de pixels, c'est super avancé. On confirme les grandeurs d'écran, pareil comme on l'avait dit, 4,7 pouces pour le petit, le iPhone 6, et 5,5 pouces pour le modèle iPhone Plus. Évidemment, Apple fait des blagues sur le fait que ça avait déjà fuité. Les pixels sont 1334x750 et 1920x1980. Ça ressemble à un écran d'ordinateur normal. Le 6 Plus a 185% plus de pixels que le iPhone 5S. Nous voilà revenus en direct avec les dernières mises à jour. Je vais laisser la page dans son état tel qu'elle est pour pouvoir revenir plus tard avec les dernières nouvelles qui seront sorties d'ici à notre prochaine intervention sur l'iPhone 6. On reste en direct, mais avec nos chroniques habituelles. Commençons par Television. C'est la qualité de la visuelle, la Television. Commençons au Québec avec la vente de Music Plus. La décision est imminente. La décision du CRTC concernant la vente de Music Plus et Musimax à V, qui appartient à Remstar, serait rendue en principe cette semaine et on devrait annoncer de grosses responsabilités au sein de V pour Luc Doyon, ex-patron de TQS qui dirige actuellement les deux stations musicales. Monsieur Doyon est entre autres à l'origine de l'image du mouton noir de TQS. Drôle de fait à ajouter dans l'article, comme ça, en plein milieu. V n'a pas attendu que le CRTC rende sa décision pour déménager ses émissions de jour dans les studios de Musique Plus. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous écoutez V, les émissions matinales, ça commence bien. Ménage à trois et au-delà du clip, s'ils sont déjà installés, sont à Musique Plus dans le minuscule appartement que possède Musique Plus, où tout le monde est pogné autour d'une petite table ronde. Hein? Salut, ça va bien? Oui, je te lèche la face. Si vous êtes un habitué de Musique Plus et de Musimax, vous avez sûrement remarqué des publicités de V qui roulent sur ces chaînes-là depuis un bout de temps, et le contraire est vrai aussi. Pour faire face à la concurrence, V souhaite vraiment profiter de ses trois antennes pour y offrir des promotions croisées. C'est ce que fait TVA depuis toujours et je pense que c'est normal. En fait, je vois pas vraiment de mal à faire la promotion de tes autres propriétés. Quand Bell a acheté Astral, le CRTC a posé certaines conditions, dont celle de se départir de plusieurs de ses chaînes. V s'est alors manifesté pour acquérir les deux stations musicales qui subiront certainement d'importantes transformations dans les mois et années à venir. Trois fois m'enfermer dans cette phrase-là. Article du Soleil. Le CRTC entame ses audiences sur l'avenir de la télévision. C'est assez important en ce moment. Le CRTC, qui est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a débuté lundi ses audiences qui modifieraient de façon draconienne la façon dont les Canadiens reçoivent et paient leurs signaux de télévision. Les audiences appelées Parlons Télé ne concernent pas seulement la télévision classique. Des compagnies comme Google et Netflix qui offrent des services de diffusion en ligne ainsi qu'à la carte y participent. On en parlera dans quelques instants. Leur arrivée a mis de la pression sur les diffuseurs traditionnels, notamment en grugeant leurs revenus publicitaires. Les câbles distributeurs et les diffuseurs par satellite pourraient également être affectés par la volonté du gouvernement fédéral de mettre sur pied une structure à la carte, et ce, en plus d'un service de base. Au début des audiences, le président du CRTC a suggéré que les règles actuelles concernant les câbles distributeurs et les diffuseurs devraient être changées afin de permettre aux Canadiens de choisir leur programmation. Les audiences se poursuivent jusqu'au 19 septembre à Gatineau. L'article est de la presse canadienne. Restons dans le même sujet avec un autre article de la presse canadienne. Des entreprises qui offrent des services de diffusion en ligne comme Google et Netflix souffriraient, tout comme leurs consommateurs, si la réglementation canadienne sur l'industrie de la diffusion devait en venir à s'appliquer à l'industrie numérique, a prévenu Google Canada. Le géant de l'Internet a lancé son avertissement dans le cadre des audiences du CRTC sur la façon dont les gens consomment les services de télévision et qui ont débuté, comme je le disais, lundi. Selon certains télédiffuseurs et distributeurs canadiens, les plateformes en ligne ne contribuent pas au système de livraison de la programmation du pays et devraient être soumises à des contributions obligatoires. Le télédiffuseur CBC, donc Radio-Canada version anglophone, par exemple, juge que le CRTC devrait demander aux fournisseurs et distributeurs de contenu sans licence de verser plus de 25 millions de dollars chaque année au Fonds des médias du Canada. Mais en fait, les plateformes en ligne légale contribue au système par l'entremise des licences de contenu, a expliqué le conseiller en politique publique et relations gouvernementales de Google, Jason Key, et toute contribution obligatoire additionnelle finirait par être refilée aux consommateurs. Selon M. Key, demander aux sociétés numériques de contribuer à des fonds réservés au contenu canadien sans leur permettre d'en profiter nuirait à l'innovation. Instituer un système de contribution aux sociétés de services de télévision en ligne entraînerait aussi des défis pratiques, a affirmé M. Key. La ministre du Patrimoine, Shelley Glover, a indiqué que le gouvernement avait accepté de ne pas intervenir dans le secteur de la diffusion de vidéos en ligne. Le CRTC a par le passé refusé de réglementer ces services, une position que le gouvernement continue d'appuyer fermement, disent-ils. Des audiences intitulées « Parlons télé » visent à développer de nouvelles règles pour encadrer les changements dans l'industrie de la télévision amenés par les services technologiques. Des entreprises comme Google et Netflix, qui offrent des services de diffusion en ligne ainsi qu'à la carte, ont mis de la pression sur les diffuseurs traditionnels, notamment en grugeant leurs revenus publicitaires, on le disait tantôt. Les câbles distributeurs et les diffuseurs par satellite pourraient également être affectés par la volonté du gouvernement fédéral de mettre sur pied une structure à la carte plutôt que par forfait. Le bureau de la concurrence a indiqué qu'il endossait cette piste de solution, et ce même s'il n'a pas la certitude que le consommateur bénéficierait réellement d'un tel changement de cap. Le bureau de la concurrence n'a par ailleurs toujours pas déterminé s'il était préférable pour les téléspectateurs de pouvoir compter sur un modèle où ils paieraient pour les chaînes qu'ils veulent visionner, ou s'il était plus avantageux pour eux d'avoir accès à une offre de base de chaînes locales à laquelle pourraient éventuellement se greffer à la pièce les sélections des consommateurs. Au mois d'août, le régulateur avait proposé que les Canadiens soient autorisés à choisir des chaînes de manière individuelle pour les ajouter à ce que le président du CRTC avait désigné comme un maigre service de base entre 20 et 30 $. Les prix seraient plafonnés. Le CRTC a aussi suggéré de permettre aux stations de télévision locales d'éteindre leur émetteur. Une telle mesure forcerait les téléspectateurs qui profitent des chaînes gratuites à s'abonner à un fournisseur. Au début des audiences, M. Blais, le président, a laissé entendre que les règles actuelles encadrant les câbles aux distributeurs et les diffuseurs devraient être changées afin de permettre aux Canadiens de choisir leur programmation. Le regroupement des amis de la radiodiffusion canadienne a estimé que les changements à la réglementation proposée par le CRTC feraient souffrir les stations de télévision locales et n'aideraient pas les consommateurs. C'est sûr qu'il y a des chaînes que personne voudrait, les chaînes autochtones, des trucs, tu sais, peut-être... je sais pas, là je lance des noms TV5 ou peut-être leur chaîne dérivée Uni. Peut-être que les gens s'abonneraient pas à ça et ces chaînes-là finiraient par mourir parce que j'aurais pas d'argent. Les audiences doivent se poursuivre jusqu'au 19 septembre, on l'a dit, et en tout, 118 intervenants ont été invités par le CRTC pour y faire des présentations. C'est d'après moi, à mon avis, je pense que ça reste un mythe de penser que les chaînes à la carte, si on avait une page blanche, vide, et qu'on devait choisir les chaînes une par une, d'après moi, elles deviendraient tellement chères que ça reviendrait probablement au même qu'avoir un bouquet de chaînes qu'on ne regarde pas. Les Canadiens regardent davantage la télé en ligne. Les Canadiens ont passé un peu moins de temps à sauter d'une chaîne à l'autre l'an dernier, mais ont tout de même regardé davantage de contenu télévisuel si l'on tient compte du visionnement en ligne. Le Canadien moyen de 2 ans ou plus a regardé 27,9 heures de télévision par semaine en 2013, ou environ 4 heures par soir, ce qui représente une baisse d'environ 20 minutes comparativement à 2012, selon le rapport de surveillance des communications publié par le CRTC. Les adultes canadiens ont cependant dévoué une grande partie de leur temps libre à l'écoute de télévision sur Internet, et l'adulte moyen a consommé 1,9 heures de contenu télévisuel en ligne chaque semaine en 2013, une hausse d'environ 45% comparativement à l'année précédente. Plus de 40% des Canadiens ont dit avoir regardé la télévision sur Internet en 2013. Un total de 29% des Canadiens anglophones ont déclaré utiliser Netflix pour obtenir leur contenu télévisuel en 2013 contre 21% en 2012. Les Canadiens francophones ont été moins nombreux à utiliser Netflix. Seulement 7% d'entre eux ont affirmé l'avoir fait en 2013. Bien que plusieurs Canadiens aient choisi de se passer de leur abonnement au câble ou à la télévision par satellite en 2013, ils représentent malgré tout une minorité. Le nombre de foyers abonnés à de tels services a reculé d'environ 100 000 l'an dernier, mais 11,92 millions de Canadiens payaient toujours pour accéder à des chaînes télévisées. Le CRTC a également annoncé que les Canadiens ont écouté un peu moins de radio en 2013, soit une moyenne de 19,3 heures par semaine. En 2012, la moyenne était de 19,6 heures par semaine. Environ un Canadien sur cinq a dit avoir utilisé un service de diffusion de streaming, donc de musique en continu, l'an dernier. Maintenant, on passe aux États-Unis. Une émission de fin de soirée pour l'acteur James Corden sur CBS. Le réseau américain de télévision CBS fera confiance à un acteur britannique, James Corden, pour animer son émission de fin de soirée en remplacement de Craig Ferguson, qui, on l'a déjà dit maintes et maintes fois au Mathieu Plancho, va abandonner son poste à la fin de l'année. Le réseau a annoncé que le nouveau venu prendra la barre du Late Late Show en 2015. CBS n'a pas précisé à quel endroit l'émission sera produite ni à partir de quelle date elle sera en onde. Le travail de James Corden a déjà été souligné lors de la cérémonie des Tony Awards pour son rôle dans la pièce de théâtre One Man, Two Governors. Récemment, il a participé au film Nouveau Refrain, mettant en vedette Keira Knightley et Mark Ruffalo. Et l'an prochain, on le rappelle, la grille horaire de CBS va changer passablement en fin de soirée, en fait complètement, puisque Stephen Colbert va remplacer David Letterman. On l'avait déjà aussi annoncé. Maintenant, quelqu'un qui perd sa job, c'est CeeLo Green. Frappé par la controverse, CeeLo Green voit une autre tuile lui tomber sur la tête alors qu'il a appris que sa télé-réalité ne serait pas renouvelée pour une deuxième saison. La porte-parole de la chaîne TBS, à ne pas confondre avec PBS et CBS, Karen Castle a annoncé que The Good Life n'aura pas de suite. Elle n'a pas donné de raison en expliquant cette décision qui aurait été prise plus tôt au cours de l'été. En fait, ils n'ont pas donné de raison, mais ils ont dit que c'était pour les codes d'écoute dans un autre article, donc bon. La série qui a pris l'antenne en juin, attirant en moyenne 650 000 téléspectateurs, c'est bien en dessous des 1 à 2 millions qui regardent actuellement habituellement la chaîne en heure de grande écoute. La confirmation de l'annulation arrive quelques jours seulement après que des messages sur le viol publiés par CeeLo Green sur Twitter eurent causé la controverse. D'où viennent ces temps de verbes là, dans le milieu? Eurent causé. La semaine dernière, le chanteur n'a pas contesté une accusation d'avoir drogué une femme sans son consentement en 2012. Bon, à la suite d'une série de messages sur Twitter, ça a créé la controverse. Il y avait un tweet qui indiquait que les femmes qui ont vraiment été violées s'en souviennent. Donc, si une femme est dans le coma quand tu la violes, c'est pas du viol parce que ça la rappelle pas. T'sais, ça fait façon de penser à CeeLo Green, c'est de même. Donc, il a perdu son émission et je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, une nouvelle comédie pour Zach Galifianakis et Louis C.K. Alors qu'il vient de gagner un deuxième Emmy pour sa comédie Louis, Louis C.K. vient de signer une autre série comique avec FX. Le réseau a commandé 10 épisodes de la comédie Basket, qui mettra en vedette Zach Galifianakis et qui est co-créé par lui-même, Louis C.K. et Jonathan Kreisel, qu'on connaît pour Portlandia, entre autres. La production de la nouvelle série devrait débuter en 2015 pour une diffusion en 2016. Zach Galifianakis et Louis C.K. ont écrit le pilote avec Jonathan Kreisel qui a réalisé celui-ci. Donc le résumé, si ça vous intéresse, dans un monde contraint par les intérêts des entreprises et l'homogénéité... t'sais. Et l'homogénéisation, clairement, de la société. Un homme de Bakersfield, en Californie, ose suivre son rêve de devenir clown professionnel. Mais après une inscription échouée dans une prestigieuse école de clowns de Paris, le seul travail qu'il peut trouver, c'est le rodéo local. Donc, Baskets va suivre Chip Baskets, joué par Galifianakis, alors que celui-ci est à la poursuite de son rêve envers et contre tous pour devenir un clown respecté. Donc, ce que j'en retiens, c'est que je m'enfarge sur homogénéisation, mais pas sur Galifianakis, qui a comme 14 000 lettres. Maintenant, NBC pense à une sitcom en direct avec publicité en direct. Ça, c'est le genre de concept qui m'attire vraiment beaucoup. Est-ce qu'NBC ne faisait que tester le terrain avec sa mise en scène en direct de The Sound of Music, la mélodie du bonheur, et cet automne avec, ben en fait, je pense que c'est cet hiver, il me semble, c'est en décembre, avec Peter Pan live? On dirait que oui, parce que Deadline nous dit que NBC développe Hospitality, une sitcom multicam, donc avec plusieurs caméras et non pas une seule, située dans un hôtel de Manhattan, qui serait diffusée en direct chaque semaine avec des publicités en direct aussi, donc on annonçait des produits. Christopher Monaghan, qui est un écrivain scripteur qui a joué dans des comédies comme Man Up, Coupling, 100 Questions, des émissions que j'ai adorées par le passé, je trouve super long. Donc c'est lui qui va écrire le script. Sean Hayes, qu'on connaît de Will and Grace, et Todd Milliner, donc vont produire en fait avec Universal TV. On sait pas encore si l'émission va être diffusée en direct pour la côte Est ainsi que la côte Ouest. D'habitude, quand des émissions comme Will and Grace, le Drew Carey Show et d'autres font des émissions en direct, ils vont faire une émission en direct pour la côte Est et une autre émission en direct pour la côte Ouest. Mais ça, c'était des événements ponctuels. Si c'était à chaque semaine, j'imagine que ça va être une fois dans l'Est. Et comme toute la côte Ouest est habituée d'avoir les affaires à délai, ça va être la même chose pour ça, d'après moi. Une chanson de Carrie Underwood inspire une série télé. Le réseau américain Fox et le producteur hollywoodien Jerry Bruckheimer, oui, Jerry Bruckheimer, celui des émissions d'action, développe une série d'événements de 6 heures s'inspirant d'une chanson à succès de la chanteuse country Carrie Underwood. Two Black Cadillacs serait produite par Underwood avec Bruckheimer et écrit par Hildy Modrovich, qu'on connaît pour Necessary Roughness. Le projet de Jerry Bruckheimer TV et Warner Brothers TV raconte l'histoire d'une femme et une maîtresse qui découvrent une autre femme et conspirent pour assassiner le mari trompeur. Two Black Cadillacs marque la première incursion de Carrie Underwood dans la production télévisuelle après son premier rôle à la télé de NBC avec, on en parlait il y a quelques secondes, The Sound of Music. C'est elle qui jouait le rôle principal de cette comédie musicale en direct. Donc, Two Black Cadillacs est tiré de l'album de Carrie Underwood qui s'appelle Blown Away et, tu sais, je vous conseille de ne pas l'écouter. Hein? Pour les codes d'écoute, rapidement, en 5e place au Québec, Sucré Salé, 4e TVA Nouvelle, 3e Film de Filles, 2e Cinémax, donc tout ça c'est du TVA. Et en première place, c'est les chefs à Radio-Canada. Du côté anglophone canadien, c'est en 5e Big Brother du mercredi, ensuite Big Bang Theory, Under the Dome, Masterchef et finalement The Amazing Race Canada. Voilà pour les codes d'écoute et voilà pour Television. On va vite aujourd'hui, mais on doit retourner tout à l'heure à la conférence de presse d'Apple. Avant d'y retourner, par contre, je vous propose une petite chanson chiptune. Hein, j'en mettrai pas trop aujourd'hui, je pense. Je vais essayer de me calmer sur le chiptune, mais j'ai tellement envie d'en entendre. Parce que j'aime ça. C'est ma passion. Alors, on va entendre J-Kim. Voici Bazooka Tim et on revient juste après. MPS, le Mathieu Plante Show. Mais enfin, on s'en va pas. Mais on vient avec Apple tantôt. J'avais dit qu'on n'était pas parti pour trop longtemps. Nous revoilà déjà. On vient d'entendre J-Kim avec Bazooka Tim. Retour maintenant à la conférence de presse pour le nouvel iPhone 6. On a parlé tantôt qu'il y avait l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. On continue de suivre ça en direct. Un petit délai, évidemment, parce qu'on a fait Television tantôt. Mais donc, on était rendu à iPhone 6 Plus, qui avait 185% plus de pixels que le iPhone 5S. Le 6 mesure 6,8 mm de minceur. Le 6 Plus fait 7,1 mm comparé à 7,6 sur le 5S. C'est vraiment très, très, très, très mince. Donc, on parlait de vitres renforcées par de l'ion, des ions, en fait. des trucs vraiment techniques que je comprends absolument pas. Sur l'iPhone 6, on peut aller en mode horizontal pour avoir un affichage à deux panneaux, un peu comme le iPad le fait. L'iPhone 6 Plus a une interface différente. Qui montre des visages sur l'application de messagerie. Ça, il était comme assez à peu près ça. Du côté du iPhone 6, normal, on n'a pas les icônes. Donc, j'imagine que c'est juste une façon de les différencier et de faire que les gens achètent l'iPhone 6 Plus. Ça a bien, bien du sens. Pas mal de queue de l'iPad sur l'iPhone 6 Plus, c'est ce qu'on dit dans l'article. C'est un petit peu comme un iPad mini quand on l'utilise en du côté paysage. C'est ce que The Verge nous dit. L'écran d'accueil fonctionne à l'horizontale comparé au iPhone normal. En tout cas, jusqu'à maintenant, on le mettait à l'horizontale et il se passe absolument rien. Il y a de nouveaux boutons sur le clavier en mode paysage aussi. Fonction de copier-coller sur l'iPhone 6 Plus. On ne sait pas si ça s'en vient sur l'iPad. Ensuite, le side swipe est toujours disponible comme sur le iOS 7, donc on revient à la page précédente en glissant. C'est pour ça que ça va aller mieux avec une seule main. Les gens se demandaient un iPhone 6 avec un grand écran, comment on ferait pour revenir en arrière avec les boutons qui seraient beaucoup trop loin avec une seule main. On aurait de la difficulté à aller d'un bord à l'autre de l'écran. On va le faire entre autres avec des mouvements comme celui-là. Double touch sur le bouton d'accueil, le bouton rond en bas et l'affichage au complet glisse vers le bas pour pouvoir toucher. Ah, ben, Colin, on peut toucher au bouton d'en haut, c'est parfait ça. Tu double-cliques sur le bouton en bas de l'iPhone, l'écran au complet glisse vers toi et tu peux facilement cliquer sur les boutons avec ton avec une seule main. C'est ce qu'on avait dit qu'il y aurait un mode à une seule main. Je trouve ça vraiment cool. Le bouton pour allumer et éteindre est sur le côté. On l'avait déjà dit, ça avait déjà fuité parce que c'est difficile d'aller toucher le bouton power quand il est en haut de la machine avec un aussi grand écran. Évidemment, The Verge dit qu'à la place de nous faire glisser l'écran vers le bas pour toucher au bouton d'en haut, pourquoi ne pas juste mettre les boutons en bas? C'est un excellent point. C'est vraiment fort. Sur Android, c'est ce qu'ils font. Les boutons sont en bas. J'avoue que c'est peut-être une meilleure idée que de faire glisser l'écran par en bas. Je dois l'admettre. Là, on parle d'applications, 1,3 million d'applications, blablabla. Le scaler pour mettre à l'échelle une page et qualité ordinateur de bureau. Les applications fonctionnelles qui ont été mises à jour sur l'iPhone 6 ne font que fonctionner. Donc, tout fonctionne à merveille. Et elles deviennent plus grandes sur un appareil plus grand, évidemment. Je pense que ça, c'est assez évident. Les développeurs peuvent personnaliser leurs applications pour les écrans plus grands, donc ce ne sera pas nécessairement juste une version plus grande. Il va y avoir des différences peut-être. J'essaie de sauter par-dessus les affaires. Bon, 64 bits, deuxième génération. Truc de 20 nanomètres, je comprends rien. Le CPU, donc l'unité centrale qui fait que ça fonctionne est 25% plus rapide. En fait, 20%, ça dit 20% plus rapide plus haut, mais c'est pas grave. 50% pour les graphiques qui sont plus performants. Bien sûr. Sinon. Performance, truc technique que je comprends pas, super. Là, on nous montre des démos de jeu. Il y a des gens qui arrivent sur scène. Je pense, Colin, je vais pouvoir sauter vers le haut. C'est le fun de se remettre à jour un petit peu. Côté batterie, l'iPhone 6 promet 50 heures d'audio, 11 heures de vidéo, 11 heures de Wi-Fi, 10 heures de furetage sur Internet en mode LTE. C'est juste une mince amélioration pour l'iPhone 6 par rapport au iPhone 5S, alors que l'iPhone 6 Plus, on passe à 80 pour l'audio, 14 heures pour la vidéo. Donc, je pense que vraiment, la batterie va être meilleure parce qu'ils ont plus de surface dans l'appareil pour contenir la batterie. Donc, la vie de la batterie, selon The Verge, est égale ou améliorée. L'iPhone 6 Plus dit 24 heures de discussion sur le mode 3G. On dit l'iPhone 6 tout court, 14 heures de 3G discussion. Évidemment, les batteries d'Apple ont toujours été très, très solides, mais on a fait qu'elles les améliorer là-dessus. Ensuite, on mesure l'élévation relative. Le nouveau M8, donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du iPhone 6. Là, ça précise pas si c'est juste l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus. Mais évidemment, on va pouvoir remettre ça dans l'ordre une fois que ça va être passé au lieu de le faire en direct. Mais il y a un baromètre qui indique la pression dans l'air. Il mesure l'élévation relative. Nike va mettre à jour Nike Plus pour utiliser le baromètre pour l'élévation. C'est une bonne nouvelle quand même pour les amateurs de Nike. On passe beaucoup de temps. On passe vraiment beaucoup de temps là-dessus. La voix sur le LTE, le LTE est rendu a été amélioré. En fait, il y a 20 LTE bands, ce qui est quand même beaucoup, vraiment même énorme, nous dit-on. Et ça supporte le Voice over LTE, qui fait que vos téléphones vont sonner pas mal mieux. Ils travaillent avec beaucoup de fournisseurs partout dans le monde. Pour le Canada, je le sais pas, mais bon, pour l'instant, on parle des États-Unis. La conférence de presse se passe quand même aux États-Unis. Wi-Fi qui est en 802.11 AC, très bon et très rapide. On fait un appel Wi-Fi, on fait la démonstration de ça, on montre la nouvelle caméra, bien sûr, de ces nouveaux iPhones-là. 8 mégapixels, True Tone Flash, 1,5 micron pixels. Hein? Évidemment, tous ces termes-là sont des termes super techniques. Là, pour le monsieur, madame, tout le monde, on s'en fout un petit peu. Prochaine génération de sensor eyesight. On appelle ça Focus Pixels. Ils sont très bons pour trouver des termes de marketing pour leurs affaires. Ça fait la face detection, c'est-à-dire l'autofocus est deux fois plus rapide que la précédente génération. C'est ce que ça nous donne comme résultat à l'écran. Vous pouvez aller voir le live stream sur apple.com. On montre des captures de photos, bien sûr, à l'écran. Les panoramas qui peuvent être jusqu'en 43 mégapixels. Wow, OK. 43 mégapixels. La détection des visages est plus rapide aussi. On détecte les clignements des yeux et les sourires. Apple dit dépasser les autres compagnies par rapport aux ressources qu'il dédie à ses appareils photo et à tout ce qui tourne autour de ça. Stabilisation d'image numérique. Le 6 Plus a la stabilisation d'image optique au lieu de numérique. Donc, vous voyez qu'on commence déjà à voir que l'iPhone 6 Plus va avoir des différences par rapport au iPhone 6, ce qui est en fait ce que je craignais, parce que ça va nous forcer, nous les amateurs, de vouloir avoir la dernière affaire et non pas l'affaire qui est déjà passée date quand tu l'achètes. On va peut-être avoir l'affaire qui va durer plus longtemps. Il va falloir pas mal prendre l'iPhone 6 Plus. On va être pogné avec un écran de 5,5 pouces qui va nous dépasser du pantalon. Tellement ça va être énorme. J'aurais préféré acheter le 4,7, mais avec les caractéristiques qu'on me donne pour le 5,5 à date, c'est pas mal sûr que je vais me pencher vers ça. Ah ben bon, on va s'habituer à un nouvel écran, à une nouvelle grandeur d'écran. Donc bon, des trucs de photos super techniques encore une fois. 1080p pour la vidéo, 30 images secondes ou 60 images secondes. Ça peut faire les deux. Le slow-mo jusqu'en 240 images secondes, c'est vraiment beaucoup d'images par seconde pour faire des plans ralentis. Tout le monde applaudit pour ça. Ensuite, on s'approche du direct encore une fois. Je pense que si on tient les rythmes, ça devrait bien aller. Donc, on fait la stabilisation d'image cinématique en vidéo. Voilà, donc ils font la stabilisation même dans les vidéos, pas juste les photos. Voilà, on est revenu au direct à 10h34 heure de l'Est, de l'Ouest, je me mets tout le temps, et 13h34 dans l'Est où nous sommes situés en ce moment. Voilà, on essaie de suivre ça en direct. On m'a fait plein de choses, c'est pas toujours évident, ce n'est vraiment pas évident. Mais continuons avec notre chronique régulière où on dit merci, science. C'est Merci Science, où on parle de la fusion, ou en tout cas l'intersection entre tout ce qui est science, technologie et médecine. Voilà. Donc, commençons avec de l'impression 3D d'un cerveau qui a aidé un bébé. Aux États-Unis, à Boston, une équipe de chirurgiens d'un hôpital pour enfants utilise depuis un an des reproductions matérielles du corps de patients pour faciliter les interventions. Dernière victoire en date, un bébé sauvé d'une très grave épilepsie. La nouvelle diffusée par The Verge... Et que le petit Gabriel, un bébé de 5 mois, a pu être sauvé d'une crise épileptique gravissime, survenue au début de cette année grâce à une opération complexe où une imprimante 3D a joué un rôle crucial. Une équipe de l'hôpital des enfants de Boston, la Boston Children's Hospital, a réalisé un modèle en plastique très précis du cerveau de l'enfant avant de pratiquer une hémisphérectomie. Cette intervention lourde et délicate consiste à extraire ou à déconnecter complètement un hémisphère. Elle laisse des séquelles graves aux patients comme une disparition complète d'une moitié du champ visuel. Mais ça peut s'atténuer ou se résorber avec le temps. L'épilepsie de Gabriel mettait sa vie en danger et cette hémisphérectomie semblait la seule solution. Donc, sur le modèle en plastique réalisé après un scanner et imprimé à une résolution de 16 microns, qui est la taille du plus petit volume réalisable, les chirurgiens ont pu s'exercer à l'intervention avant de la pratiquer sur l'enfant. Elle a duré 10 heures et Gabriel, aujourd'hui âgé de 18 mois, se porte bien. Évidemment, dans l'air du temps, on sait l'impression 3D est partout et le secteur médical s'y intéresse depuis plusieurs années, notamment pour réaliser des prothèses comme des oreilles ou un implant crânien. À l'hôpital de Boston, un service qui s'appelle le Simulator Program a été créé par l'équipe du docteur Peter Weinstock pour entraîner des chirurgiens à des techniques utilisables en pédiatrie et en médecine néonatale. Après différentes analyses, donc radioscopie, scanner, les données sont confiées à ce service qui réalise rapidement un modèle en taille réelle avec des matières plastiques qui diffèrent, selon le type d'intervention. Les tissus et même les vaisseaux sanguins sont reproduits. Remis le lendemain seulement, alors que les impressions 3D médicales exigent des semaines, il permet aux chirurgiens de répéter à loisir leur intervention et de la mettre au point finement. Bien plus efficacement, oui, qu'à l'aide de radio. Face aux patients, ils seront alors en terrain inconnu, ce qui peut tout changer, particulièrement dans le domaine des enfants, aux morphologies variables selon l'âge. Le Simulator Program reste expérimental, mais pourrait bientôt, espèrent ses concepteurs, devenir un service classique dans les hôpitaux. Le système pourrait aussi servir à la formation de futurs chirurgiens qui seraient ainsi confrontés à des cas très réalistes. Maintenant, une équipe internationale revendique la première réussite de transmission de pensée entre deux personnes. Sans prononcer une seule parole ni bouger un seul membre, sans qu'un signal sonore, lumineux ou tactile soit émis, les interlocuteurs ont pu échanger un « bonjour » et un « au revoir ». Une pensée transmise de cerveau en cerveau, donc entre l'Inde, l'Espagne et la France, via en plus Internet. L'un en Inde à Tiruvananthapuram, l'autre à Strasbourg. Les deux portent sur la tête un casque. Le premier pense très fort, soit à bouger les mains, soit à remuer les pieds. Son activité cérébrale est détectée et analysée par un ordinateur. Le code résultant est expédié par courrier électronique au second, dont le casque émet une stimulation magnétique transcrânienne. Il perçoit alors, du moins parfois, des illusions lumineuses, des phosphènes, comme si une lumière apparaissait dans son champ visuel. Ça, c'est dans son cerveau que ça se passe. Il peut ainsi comprendre ce que voulait dire l'expéditeur. Cette étonnante expérience de télépathie a été réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université de Barcelone, dont de l'entreprise espagnole Starlab, de l'entreprise française Axelum Robotics de Strasbourg et de l'école médicale de Harvard aux États-Unis. Donc, réitérée entre l'Espagne et la France et sous deux formes différentes en mars et en avril 2014, elle repose sur des techniques maintenant connues. Des casques électroencéphalographes peuvent recueillir suffisamment d'informations de l'activité cérébrale pour que leur analyse puisse permettre de déterminer des pensées très simples comme bouger un membre. De cette manière, envoyer des ordres à une machine par le seul effort de la pensée. On sait de cette manière envoyer des ordres à une machine par le seul effort de la pensée. Voilà. L'ouverture du mondial de football par un exosquelette commandé de cette manière en est un exemple. Il faut aller un cran plus loin à la réception, par contre, parce que la personne qui porte aussi un casque sur la tête n'a aucun signal, ni lumineux, ni sonore, ni tactile. Rien ne lui est transmis. Les résultats semblent impressionnants et spectaculairement renforcés par la distance et l'utilisation du courrier électronique. L'expérience reste cependant assez limitée. L'émetteur ne peut produire qu'un signal binaire, soit un 0 quand il pense à bouger les pieds et un 1 quand il pense à remuer les mains. Donc on a modifié ça dans une seconde version en se servant du signal pour coder un mot. Par exemple, bonjour, c'est le 0 et ciao, au revoir, c'est le 1. Et le destinataire devait connaître le code pour comprendre le mot. On n'est pas loin du code Morse, finalement, nous dit Futura Science. Les chercheurs annoncent un taux d'erreur assez faible, de 15% au total. Les résultats viennent d'être publiés dans la revue scientifique Plus One, qui, comme c'est l'usage, signale les conflits d'intérêts qui concernent les auteurs de l'étude appartenant à deux entreprises, Axelum Robotics et Starlab, qui sont toutes deux des fabricants de matériel et pour lesquels cette réussite-là assure une certaine promotion. Donc, c'est évident que la plupart des études, quand on parle d'une étude, il y a souvent quelque chose derrière ça, une compagnie qui va en profiter après, là. On ne compte plus le nombre d'études montrant les effets néfastes de la télévision sur nos modes de vie sédentaires et sur l'obésité, mais de nouvelles recherches menées par la Cornell University dans l'État de New York laissent entendre que la prise de poids pourrait évoluer selon le type de programme qu'on regarde. Une étude parue dans Internal Medicine, la revue de l'American Medical Association, nous dit que les chercheurs ont recruté 94 étudiants auxquels ils ont donné des M&M, des biscuits, des carottes, des raisins à grignoter à volonté pendant qu'ils regardaient la télé sur une période de 20 minutes. On leur a montré soit une partie du film d'action The Island de Michael Bay, soit le talk show américain à tendance vraiment ronflante de Charlie Rose Show, ou encore 20 minutes de The Island, mais sans le son. Il en sort que les personnes qui ont regardé The Island grignotaient 98% plus que celles qui visionnaient l'émission de Charlie Rose Show, mais les téléspectateurs qui regardaient juste les images du film mangeaient 36% plus. Au final, les étudiants consommaient en moyenne 354 calories devant le film de Michael Bay en version normale et 314 calories en version sans audio. Ceux qui regardaient le talk show sur fond noir avec aucun mouvement, on peut juste l'écouter, pas le regarder, ça fait la même affaire. Enregistrer un apport calorique de seulement 215 calories. Les programmes plus stimulants et plus rapides, je cite, avec de nombreux plans courts, ont un plus fort pouvoir d'attraction et vont plus souvent, plus facilement, oublier ce qu'ils mangent, mais les personnes. Hein? Ils peuvent vous faire grignoter un peu plus parce que vous êtes moins attentif à quelle quantité vous vous mettez sous la dent. Voilà. L'équipe de chercheurs conseille donc aux amateurs de films d'action qui ne peuvent pas se passer d'un petit encas de choisir des aliments sains comme des crudités ou d'établir de petites portions avant de commencer à visionner leur film. Tu ne diras pas quoi faire, t'es pas ma mère. Bon. Voilà pour Merci Science. Je pense qu'avant même de passer en pub ou en peu importe, en musique, on devrait continuer un petit peu sur Apple parce que, Colin, c'est le fun puis on veut pas trop perdre notre temps et prendre du retard là-dedans. Donc, allons-y. On était rendu la dernière fois qu'on s'est parlé. à la nouvelle caméra FaceTime HD avec un nouveau sensor, un plus grand aperture. Tous les termes en français, j'imagine, viendront dans l'article qui sera écrit en français puis que je pourrais juste lire. Détection améliorée des visages. Selfies en mode burst. Donc, on va pouvoir prendre multiples selfies pour pouvoir choisir le meilleur à la fin. C'est un peu comme les modes sport sur les caméras photo professionnelles et même grand public. Passons à iOS 8, tiens. Les iPhone 6 et 6 Plus, hein, va falloir s'habituer à ça, iPhone 6 Plus, hein, vont être lancés avec iOS 8. On va y aller rapidement avec ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Visuellement, il n'y a pas grand-chose. On avait déjà tout révélé, ces affaires-là. L'affaire du bouton qu'on peut tenir pour prendre un mémo vocal ou envoyer un clip vocal. Le Touch ID, toujours là. Le meilleur téléphone qu'ils ont jamais fabriqué. Blablabla. C'est rare qu'il, selon l'article de The Verge, là, je sais pas mes propres paroles, c'est The Verge qui dit ça, qu'on passe rapidement à travers iOS 8. D'habitude, Apple prendrait beaucoup de temps au lancement des iPhones là-dessus, mais là, c'est vraiment le focus est sur le matériel. Évidemment, on revient avec les étuis pour l'iPhone. Ils ont été très populaires pour les iPhone 5S, qui fonctionnaient aussi sur l'iPhone 5. On va avoir de nouveaux étuis en silicone. Et non pas en cuir, parce que, en tout cas, à moins qu'il y en ait aussi en cuir, là, mais dans la précédente génération, c'était du cuir qui avait tendance à perdre sa couleur assez rapidement, qui devenait plus très beau avec le temps. Donc, silicone devrait tenir la route un petit peu plus et avoir autant de grip. Tu vas pouvoir t'agripper après. Oh, les prix, c'est important, les prix. Ça va commencer à $199 pour l'iPhone 6 16 Go. Il garde le modèle 16G, OK. Ça va monter jusqu'à $400 pour le modèle 128G, $300 pour 64G. C'est un nouveau modèle, le 64G, il n'y en avait pas avant. En fait, c'est ce que j'en comprends par l'article. Apple, donc, des nouveaux... OK, ça le dit ici, des nouveaux étuis en silicone et des nouveaux étuis en cuir. Les deux vont inclure Product Red, pour ceux que ça intéresse, donner un petit peu d'argent pour la bonne cause. Les prix que j'ai mentionnés, d'ailleurs, sont sur des contrats de 2 ans, bien sûr. Et c'était pour l'iPhone 6 tout court. L'iPhone 6 Plus, ça démarre à $300 pour le modèle 16G, qui va être ban en masse depuis que tout est dans le nuage. $400 pour le 64G et $500 pour le 128G. Des prix, somme toute, assez raisonnables quand même. Tout le monde applaudit pour les prix, d'ailleurs. Je pense que tout le monde comprend qu'ils sont assez compétitifs là-dessus. L'iPhone 5S va maintenant commencer à $99. 8G 5C va maintenant être gratuit. Ça va être le nouveau modèle gratuit. Vous savez, à chaque génération, on prend le plus vieux modèle. Sauf l'année passée, on avait décidé de ne pas laisser l'iPhone 5. On avait choisi de mettre l'iPhone 5C à sa place. Bref, l'iPhone 5C reste une de son époque. Avec l'intérieur du iPhone 5 de v'là, genre... c'est quoi, ça fait donc 1 an l'iPhone 5S, 2 ans l'iPhone 5 tout court. Donc, l'intérieur de l'iPhone 5C date d'il y a minimum 2 ans. Tout ça va être envoyé à partir du 19 septembre en magasin. C'est la date que tout le monde avait déjà prédit. Ça suit le pattern, ça suit le patron, ça suit les pochoirs de Apple depuis les dernières années. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus s'en viennent le 19 septembre, donc les précommandes vont être à partir du 12 septembre, c'est-à-dire ce vendredi, on va pouvoir commencer à précommander. En tout cas, aux États-Unis, j'ai hâte de voir au Canada, ça va être la même chose. D'après moi, ce l'était il y a 2 ans, en tout cas minimum, ce l'était. Je me rappelle, moi, d'avoir précommandé mon iPhone 5. Ensuite, 115 pays d'ici la fin de l'année. On regarde les appareils qui sont supportés par le iOS 8 qui sort le 17 septembre. En passant, ça suit encore une fois le pochoir de Apple. Le iOS 8 va sortir 2 jours avant la sortie du iPhone 6, du iPhone 6 Plus. On parle de tous les iPhones à partir du 4S qui vont fonctionner sous iOS 8. Le iPod Touch à partir de la 5e génération. Le iPad 2, l'iPad Retina Display, l'iPad Air, l'iPad Mini avec Retina Display. Je trouve vraiment que c'est très confus côté appellation des iPads. Là, vous le savez, je pense que vous en êtes rendu compte. C'est tout pour les iPhone 6 et iPhone 6 Plus. On n'a pas encore parlé de NFC ou Near Field Communication, les paiements par mobile, qui sont apparemment la prochaine grosse affaire pour Apple. Donc, c'était 40 minutes environ de iPhone à vitesse vraiment accélérée. Tim Cook est revenu sur la scène. On est en recul d'environ 6 minutes, 10h41 dans l'Ouest en ce moment, alors que je vous lis ça. On va essayer de se remettre à jour avant de passer à autre chose. On parle, c'est sûr, il y a des démonstrations d'application. On peut facilement sauter par-dessus ça. Une publicité, une autre publicité. Là, on parle de publicité dans les applications qu'ils choisissent de montrer, quand même bizarre. Ensuite... regardez-moi ça. On reçoit Jimmy Fallon et Justin Timberlake sur scène. Jimmy Fallon a le iPhone 6 et Justin Timberlake le iPhone 6 Plus. Ils compétitionnent avec le truc de santé HealthKit. Ensuite, oh, le portefeuille, c'est l'art des paiements, c'est là que ça se passe. Et l'ambition de Apple était de remplacer le gros portefeuille. Là, ils montrent un portefeuille à l'écran avec votre téléphone cellulaire. C'est ce que tout le monde fait du côté Android, diront les gens qui sont contre Apple. Android faisait ça depuis toujours. En effet, et en Asie, c'est très populaire partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. On dépense 12 milliards de dollars par année sur des cartes de crédit avec 200 millions de transactions quotidiennes de crédit, blablabla. Ça ressemble vraiment à une infopublicité, nous dit The Verge. Évidemment, je le vois pas en direct. Je vais me taper ça dans les prochains jours, la conférence de presse. J'ai hâte de regarder ça en vidéo. Ça m'excite bien gros, t'sais. Donc, c'est ça, on montre comment c'est compliqué d'utiliser des cartes de crédit. Oh, bah, tellement compliqué de sortir ça de ma poche! Donc, le processus basé sur un morceau de plastique, blablabla. Pour vrai, ça m'intéresse absolument pas, le côté carte de crédit. Là, je vais sûrement l'essayer éventuellement, mais... nouveau système de paiement qui s'appelle Apple Pay. Voilà, c'est le nom du produit, c'est Apple Pay. Ça vient de sortir, là, il y a une minute pour nous en direct. C'est ça, une autre petite vidéo avec une femme qui met son téléphone devant un sensor, blablabla. Évidemment, c'est couplé avec le système Touch ID. Donc, elle met son doigt sur le Touch ID, passe la carte à l'employé. Il y a une puce NFC assez, évidemment, dans le téléphone. La vidéo montre un système de cartes assez générique. C'est pas Square, c'est pas des trucs qu'on connaît déjà. Et ça dit, voilà, c'est très, très cool. Il dit, it is so cool, Tim Cook, c'est ce qu'il dit. Et encore une fois, Apple Pay. Maintenant, Eddie Q vient de monter sur scène. On a tendance à pas dire leur titre, leur emploi. Donc, on va juste savoir que c'est un gars de chez Apple. Il y a un titre, comme tout le monde. Oui, ça utilise bien de la NFC, c'est confirmé, qui est sur le dessus de l'appareil, en fait sur le haut de l'appareil, qui contient vos informations de carte de crédit de façon encryptée et sécuritaire. Ça utilise Passbook aussi, qui est le système de gestion de cartes cadeaux, entre autres, sur l'iPhone. Et vous pouvez juste utiliser la carte de crédit qui est liée à votre compte iTunes. Donc, si vous avez une carte de crédit liée à votre compte, que ce soit Visa, Mastercard ou peu importe, dans ce cas-ci, c'est une carte Visa de chez Chase Bank, on peut déjà l'utiliser si elle est sur iTunes avec le système NFC. On peut aussi prendre une photo de sa carte de crédit et l'ajouter. Donc, c'est sûr que tout le monde va utiliser ça pour vrai. C'est vraiment un système super simple. Voilà, simple et sécuritaire. On est revenu en direct 10h49, heure de l'Ouest, 13h50, heure de l'Est. Ce qui veut dire qu'on peut, par le fait même, passer à autre chose. Hein? Pour l'instant, on va continuer notre planning de l'émission d'aujourd'hui. On va prendre, par contre, avant ça, une petite pause. Pas musicale. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps de jouer tant de musique que ça. Mais on faisait qu'une pause et on revient au retour avec le segment Geek CNX. Vous êtes au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Fou de matinée extraordinaire. Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, je suis avec Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. On est en mode couverture en direct de la conférence de presse sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui a été annoncé. Évidemment, une émission thématique comme celle-là qui se passe presque complètement en direct, ça arrive que quelques fois par année. Je m'étais dit, tu sais, des fois je me pose la question, c'est sûr que, tu sais, couvrir quelque chose en direct, c'est cool, mais en même temps, pourquoi je le fais pas pour Android? Parce qu'ils sortent un téléphone par semaine. Hein? Les conférences de presse, il y en a une par semaine pour Android. iPhone, ça se passe une fois par année. On prend le temps un petit peu plus. Puis, c'est le fun. C'est le fun de même. Hein? Bon. Tout le monde en parle. On en parle d'autres aussi. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté tout à l'heure, juste avant la pause? On a montré une carte American Express. On a montré le nouveau système et Apple Pay. C'était vraiment intéressant. Eddie Q, qui travaille pour Apple, dit « Nous ne sommes pas dans la business de ramasser vos données. » Donc, évidemment, il y a tellement eu de controverses par rapport à... récemment, c'était Home Depot qui s'est fait hacker, que plein de cartes de crédit ont été envoyées dans les airs, un peu comme Target il y a quelques temps de ça aux États-Unis. Donc, on nous dit que Apple ne sait pas combien vous payez pour vos produits. Il n'y a aucune information qui passe par les serveurs d'Apple. C'est ça. Et même le caissier ou la personne au magasin ne verra pas votre code de sécurité, absolument rien. Ensuite, Apple passe vraiment rapidement, encore une fois, sur les cartes de crédit. On essaie vraiment de clencher la plupart des affaires aujourd'hui. Ce qui me surprend quand même, plein de commerces qui vont être partenaires, Macy's, Bloomingdale's, Subway, qui est la plus grande chaîne de restaurants aux États-Unis. 22 000 commerces vont travailler avec Apple Pay, Walgreens, pharmacie, Duane Reade, McDonald's, etc. Il y en a plein d'autres. Oui, c'est ça, Subway qui est la plus grande chaîne de restaurants en termes de boutiques, alors que McDonald's est la plus grande chaîne de restaurants par rapport aux ventes, c'est précisé. Bureau en gros, Staples va être partenaire aussi. Bon, ça commence à être un petit peu plate pour ça, les paiements en ligne, oui, on l'a compris. Checkout en un seul clic, en un seul toucher sur l'écran tactile, vous allez pouvoir acheter vos affaires en magasin. Pas besoin d'entrer de numéro de carte, pas besoin de taper d'adresse, pas besoin de rien faire. Ensuite, on arrive chez il achetait une paire d'écouteurs. Je me demandais pourquoi il montrait les écouteurs. Est-ce qu'il y avait une nouvelle annonce à faire par rapport à ça? Vous savez, Beats par Dr. Dre qui est maintenant rendu sous Apple. Mais non, pour l'instant, rien d'autre de nouveau. Et nous voilà justement à la fin de notre chanson thème, ce qui nous amène à commencer une autre chronique. Hein? Voici le segment Geek Scenix. On fait le survol des autres nouvelles geeks qui ont eu lieu, qui se sont déroulées depuis les 7 derniers jours, donc tout sauf Apple. Dans les domaines, de l'aviation, de l'agriculture et de la gestion des déchets, les oiseaux peuvent représenter une nuisance, voire un danger. L'entreprise néerlandaise Clear Flight Solution a conçu des robots rapaces très réalistes qui sont capables d'effrayer durablement des oiseaux nuisibles par leur seule présence. Les agriculteurs luttent depuis des siècles pour protéger leurs semis, leurs semences et leurs récoltes des hordes d'oiseaux. Ils posent également des problèmes sur les décharges à ciel ouvert car ils peuvent ramasser des déchets et les disperser dans l'environnement. Le plus grand risque concerne l'aviation et les collisions qui peuvent endommager un fuselage ou provoquer des dégâts sur les moteurs des appareils. Il existe certes de nombreux moyens pour éloigner les oiseaux. Hein? Ça fait longtemps qu'on s'était débarrassé des épouvantails, c'était remplacé par des systèmes sonores, des lasers, des canons à gaz, d'autres systèmes visuels censés affoler les volatiles indésirables. Mais ces techniques trouvent rapidement leurs limites car les oiseaux s'y accoutument. Clear Flight Solutions, une entreprise néerlandaise, pense avoir trouvé une solution beaucoup plus efficace sur la durée. Son idée est d'effrayer les oiseaux nuisibles en stimulant leur instinct de survie. Pour ça, l'équipe a imaginé un rapace robotisé dont l'allure et le vol sont très réalistes. Baptisé Robirds, ce robot est une copie de Faucon Pèlerin, l'un des oiseaux de proie les plus répandus. Il mesure 58 cm de long pour une envergure de 1,2 m. Peut voler jusqu'à 80 km/h et est capable d'effrayer des oiseaux pesant jusqu'à 3 kg. Clear Flight Solutions propose également un aigle robotisé avec une envergure de 2,2 m qui est, selon elle, capable de repousser toutes sortes d'oiseaux. Ces robots sont télécommandés par un opérateur humain qui peut ainsi cibler les groupes de volatiles et, si nécessaire, poursuivre les récalcitrants. Confrontés à ce qu'ils pensent être un prédateur, les oiseaux vont s'enfuir et surtout éviter la zone concernée qu'ils identifient comme un territoire de chasse du rapace. Des tests réalisés avec les Robirds ont permis de faire chuter de 50% le nombre d'oiseaux nuisibles dans un secteur donné. Elle travaille actuellement la compagnie néerlandaise au développement de fonctions pour permettre aux Robirds de voler en autonomie et les robots rapaces pourraient ainsi sécuriser un périmètre en effectuant leur ronde sans intervention humaine. Je trie à la volée quelques articles qui sont pas nécessaires. Allez les retrouver sur assemblagewiki.com. Il y a entre autres un système de détection d'angle mort pour les camions. C'est intéressant, mais pas assez pour notre journée spéciale d'aujourd'hui. Maintenant, des baguettes intelligentes pour détecter les aliments dangereux. En Chine, où les scandales alimentaires sont légion, depuis les huiles de cuisson frelatées jusqu'à la viande de renard, le géant de l'Internet Baidu a conçu des baguettes intelligentes supposément capables d'analyser, pour les gourmets inquiets, le contenu de leur déjeuner. L'idée de la Smart Baguette avait tout d'abord été présentée lors d'une vidéo du 1er avril, mais le formidable enthousiasme provoqué a incité le groupe à se pencher sérieusement sur la question. La nouvelle étape de développement du produit a ainsi été introduite cette semaine par le géant chinois du web, je crois que c'est la semaine passée, d'habitude je lirai pas les dates, là, sous forme d'une vidéo édifiante. On y voit la paire de baguettes fines mais bourrées d'électronique être plongée successivement dans plusieurs bols, d'huile de cuisson. Des capteurs analysent la température de l'huile et sa composition et un téléphone intelligent connecté aux baguettes affiche ensuite les diverses informations recueillies. Si l'huile est jugée impropre à la consommation, une petite diode sur les baguettes clignote en rouge. La Chine est régulièrement secouée par les scandales dits de l'huile de caniveau, c'est-à-dire d'huile frelatée, fabriquée à partir d'huile déjà utilisée et autres déchets récupérés à la sortie des restaurants et revendus ensuite à prix cassé et en toute illégalité aux petits restaurateurs et vendeurs de rue. Les autorités sanitaires avaient tenté l'an dernier d'enrayer ce business florissant. Une centaine de personnes avaient été interpellées et 20 emprisonnées, dont 2 écopant d'une détention à perpétuité, au cours d'une campagne très médiatisée. Ces baguettes intelligentes ne sont pas encore disponibles à la vente, Baidu n'ayant fabriqué pour l'instant qu'un nombre limité de prototypes. C'est ce qu'a précisé un porte-parole pour le groupe. Voilà. Allons-y avec la notification, pardon, au bout des doigts, c'est la bague intelligente. Après la baguette, hein, la bague. Après les téléphones intelligents, les bracelets intelligents, les montres intelligentes, on parle d'une Smart Ring. La compagnie Mota a dévoilé une première bague connectée lors du salon high-tech IFA 2014 qui se tenait la semaine passée, en fait, à Berlin. Comme le rapporte Mashable, la Mota Smart Ring est pensée comme un centre de notification qui tient au bout de votre doigt. La bague vous alerte lorsque vous recevez un SMS, un email, une notification Facebook, Instagram, Twitter, Bookface. Elle devrait être également informer son utilisateur des événements dans son calendrier et des appels entrants. Ce centre de notification est une façon de ne rien rater, une extension de votre smartphone. Mais Mota explique aussi que cette bague intelligente est une façon de se déconnecter de la vie. Ça peut paraître paradoxal, nous dit le célèbre Huffington Post et ses bons articles, tout écrit tout droit. Mais l'entreprise voit son invention comme une façon de lâcher votre téléphone tout en restant connecté. Les options VIP vous permettent de choisir qui peut retenir votre attention et qui ne peut pas ou peut ne pas. Vivez à nouveau sans perturbation inutile, nous explique-t-il. Compatible avec Android et iOS, la Smart Ring est proposée en noir ou en blanc perle. Elle sera également dotée d'un mode silencieux et vibreur que l'utilisateur pourra personnaliser en fonction des contacts. Le prix n'a pas encore été annoncé. On annonce le début des précommandes sous peu sur le site web et l'envoi des premières bagues avant la fin de l'année. Voilà. Une prothèse 3D équipée de griffes de Wolverine pour rendre de l'autonomie et le sourire à un enfant. Fabriquer des griffes de Wolverine pour s'amuser, c'est bien, mais fabriquer pour rendre de l'autonomie à un enfant, c'est encore mieux. Aaron Brown de la communauté en ligne Enable, qui permet de mettre en contact des imprimeurs 3D bénévoles avec des particuliers nécessitant des membres artificiels, donc une très bonne cause, va faire le bonheur des jeunes enfants du Michigan aux États-Unis. Le créateur a imprimé une prothèse classique qu'il a peint aux couleurs des Michigan Wolverines, le club omnisports universitaire de l'Université de l'État, puis a rajouté les trois griffes du super-héros de Marvel Comics, qui s'appelle aussi Wolverine. Allez voir la galerie sur assemblagerequis.com. C'est un petit peu anodin, mais en même temps, c'est le fun. Un robot conçu au Québec, un robot unique, l'usine Movex Innovation, ou Innovation, hein, en français, c'est quand même à Shawinigan, l'usine Movex Innovation, a développé le Track-O, un robot tout-terrain à la fine pointe de la technologie destinée au secteur de l'industrie lourde, nous dit Radio-Canada. Le véhicule électrique télécommandé est monté sur des chenilles, ce qui lui permet de transporter des charges lourdes et de circuler jusque dans les escaliers. L'appareil se décline en une dizaine de modèles adaptés aux différents secteurs desservis qui vont des mines aux barrages hydroélectriques. La première mouture de Track-O a vu le jour en 2001, l'année même de la création de Movex Innovation Inc. Établie à Shawinigan, l'entreprise emploie 12 personnes. Elle vend de 50 à 100 robots électriques par année. Ses produits qui coûtent de 25 000 à 150 000 $ se retrouvent aux quatre coins de la planète. Le concepteur du Track-O et président de Movex, Fabien Lavoie, croit que son entreprise peut doubler voire tripler sa production d'ici 5 ans. Le plus grand défi de l'entreprise pour atteindre ses ambitieux objectifs est de mieux se faire connaître des clients potentiels. L'entreprise suscite toutefois de l'intérêt chez les gros joueurs. Elle a reçu, juste en général, elle a reçu 2 offres d'achat dans la dernière année, mais elle veut continuer à faire cavalier seul pendant encore quelques temps. On s'en va à Berlin où la maison intelligente passe du rêve à la réalité. Maîtriser sa consommation d'énergie, recevoir un rappel pour prendre des médicaments, faire ses courses depuis le frigo, la maison connectée n'est plus seulement qu'un rêve, elle est à portée de la main, selon les acteurs du salon IFE de Berlin dont on a parlé tantôt. Ce fantasme remonte à loin. Déjà dans les années 80, les innovateurs ne juraient que par la domotique, mais pendant 30 ans, nombre d'entreprises se sont cassées les dents sur cette centralisation des besoins domestiques. Trop de câbles, interface trop chère, problème de compatibilité entre objets de différents fabricants. Les obstacles ont eu raison des plus ambitieux. Pour l'édition 2014 de la grande messe de l'électronique berlinoise, le phénix renaît de ses cendres. La domotique est morte, vive la maison connectée ou intelligente. Le coréen Samsung a donné à Berlin une conférence sur la maison du futur. Voilà. En quelques images, le fabricant de mobiles a livré sa vision à l'horizon 2020. Cuisiner en suivant les instructions d'un hologramme pour la recette, éteindre les lumières oubliées depuis le travail, garder trace de ses séances de sport et se faire coacher à distance, tout ça au bout des doigts sur un téléphone intelligent ou une tablette. Le groupe coréen s'est offert en nous Smart Things, donc ils ont acheté cette start-up de Washington, spécialisée dans les objets connectés, pour une somme estimée à environ 200 millions de dollars. Le géant américain Google a aussi acheté en janvier la start-up Nest Labs, connue pour ses alarmes anti-incendie intelligents et ses thermostats intelligents. Le géant d'Internet n'avait pas hésité à débourser 3,2 milliards de dollars pour la troisième plus grosse acquisition de son histoire. Donc la bataille est lancée. En 2013, 17 millions de dispositifs domotiques sans fil ont franchi le seuil de nos maisons. Selon la société d'analystes ABI Research, leur nombre devrait dépasser le demi-milliard d'unités d'ici la fin de 2018, d'après ses estimations. L'article est beaucoup plus long, je vous laisse aller le lire sur assemblagerequis.com. À 18 ans, Guillaume Roland est un jeune Français avec de la suite dans les idées. Il a conçu un réveil olfactif qui attire l'attention de Google dans le cadre de son concours mondial de projets scientifiques, le Google Science Fair. Le projet de Guillaume Roland fait partie de 15 finalistes et il est possible de voter pour son projet en ce moment même. Guillaume Roland, donc 18 ans, originaire de Nantes, en France, a récemment obtenu son bac S avec mention très bien, c'est fascinant. Il rentrera dans quelques semaines à l'Université de technologie de Compiègne dans l'optique de devenir ingénieur. Mais autre chose occupe actuellement son esprit, c'est qu'il va s'envoler très prochainement pour la Silicon Valley, c'est pas déjà fait, pour présenter son prototype de réveil olfactif au jury de la Google Science Fair. C'est la première fois qu'un Français arrive aussi loin dans ce concours qui regroupe les projets de jeunes concepteurs du monde entier. Il a travaillé à perfectionner son projet en orientant sa problématique non pas vers le côté amusant de tel appareil, un réveil matin olfactif, mais davantage vers un usage plus pratique. Le réveil olfactif fonctionne assez simplement. C'est le même système qu'une machine à espresso, donc on place dans le réveil une capsule d'odeur et à l'heure du réveil, un ventilateur s'active et crée un flux d'air. Ce dernier sort par un clapet et s'intensifie pour réveiller l'utilisateur grâce à une odeur dégagée. Il est possible d'ajouter une sonnerie ou même une lumière si on le désire. Je trouve ça génial, même si... Il y a quelques semaines, on avait parlé dans une chronique à Assemblage Requis d'un réveil matin qui faisait littéralement du café, mais d'une façon absolument fantastique, à côté de ton lit. Je préférerais ça à l'odeur d'un café. C'est un peu agace. Faut que j'aille me le préparer, tu sais. Peux-tu juste me le donner que je le boive, tu sais? Bref. Donc, ça va être présenté du 20 au 24 septembre à la Silicon Valley pour la Google Science Fair Project truc dont on a parlé tout à l'heure. Son invention est brevetée. Il va aussi la présenter au concours L'Épine européen du 5 au 15 septembre à Strasbourg. Allez voir le reste de l'article, les informations sur assemblagerequis.com. Séquence nostalgique chez Microsoft où on se souvient, dans les blogs MSDN de la genèse de l'écran bleu de Windows. Si vous êtes déjà demandé qui est à l'origine du texte affiché sur l'écran bleu le plus célèbre du monde PC, la réponse n'est nulle autre que celui qui fait qu'on a ces problèmes-là. Steve Ballmer. Lors du développement de Windows 3.0, les équipes de Microsoft ont mis en place un système pour fermer une application qui ne répondait pas. Pour ce faire, il fallait appuyer sur la fameuse combinaison de touches CTRL Alt Supprime et le système d'exploitation proposait alors le choix entre ne rien faire, fermer l'application défaillante ou redémarrer le PC. Alors que les développeurs avaient créé l'écran, Steve Ballmer leur a rendu visite. Un phénomène assez rare pour un cadre dirigeant chez Microsoft, se rappelle l'auteur du billet sur MSDN. Et lorsque Steve Ballmer a découvert la fonctionnalité CTRL Alt Supprime, il n'a pas apprécié le texte affiché à l'écran. Les équipes lui ont donc proposé de réécrire le texte lui-même et Steve Ballmer s'est exécuté avec le texte que l'on connaît, pratiquement mot pour mot selon l'auteur. On sait donc maintenant qui, à chaque plantage d'une application Windows, on sait maintenant que c'était la faute de Steve Ballmer, qui est un des employés de Microsoft, qui est un des responsables de tout ça. Donc, cette application Windows a arrêté de répondre. Appuyer sur échappement pour annuler, retourner à Windows. Appuyer sur Enter, entrer pour fermer l'application qui ne répond pas. Vous allez perdre les informations qui n'ont pas été sauvegardées dans cette application. Appuyer sur CTRL Alt Supprime encore une fois pour redémarrer l'ordinateur. Vous allez perdre vos informations qui n'ont pas été sauvegardées. Voilà. C'est une traduction littérale, mot pour mot. C'est pas ça en français, c'est pas mal plus poétique et plus beau. Non? Mais bon. Maintenant, côté jeux vidéo, les Sims 4 en version pixel art, mais pas vraiment pour une raison, genre, les Sims 4 en version pixel art, ce serait super beau. J'en voudrais un comme fond d'écran. Mais ici, c'est pour les pirates. Ceux qui ont choisi de pirater les Sims 4 vivent cette aventure-là malgré eux. Donc, disponible officiellement depuis quelques jours, les Sims 4 fait partie des titres les plus attendus sur PC. Et comme souvent dans pareil cas, de nombreux joueurs sont tentés par la facilité et le téléchargement d'une version piratée du jeu. Parce que pourquoi récompenser les gens qui ont mis des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers d'heures là-dessus? Quand on peut juste faire un petit clic sur un lien, l'ouvrir dans le BitTorrent, puis ah ouais donc, tu sais, il y a des affaires des fois qu'il faut payer dans la vie, t'sais. Surtout si on veut avoir un Sims 5, je lisais un autre article cette semaine sans vouloir vous faire la morale, là, aucunement, loin de moi l'idée de vous dire quoi faire en vie, je fais juste moi dire ce que moi je fais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que les Sims 5 n'existeront pas, le jeu n'existera pas si les Sims 4 ne se vend pas assez, c'est ce que la compagnie a dit cette semaine, et ce serait dommage parce que c'est quand même historiquement intéressant et c'est un jeu qui a la peine, qui vaut la peine d'exister, tu sais. Genre, les Sims 4 c'est cool, t'sais. En fait, c'est le contraire de cool, c'est un peu loser, mais je trouve ça cool comme concept. Donc, il semblerait qu'Electronic Arts ait décidé de prendre les devants en incluant au jeu un système anti-piratage plutôt original. Je lis un article de jeuxvideo.pc.com, jeuxvideo.fr, peu importe. Donc, le principe de censure habituellement réservé à nos Sims lorsqu'ils vont aux toilettes ou sous la douche serait étendu à tout l'écran. Tu sais, quand on prend sa douche, il y a de la pixelisation sur le corps pour masquer les trucs. Donc, quand tu pirates le jeu, c'est l'écran complet qui vient pixeliser de la même façon. Certains parlaient d'un bug au début plutôt gênant. C'est les développeurs de chez Maxis qui ont décidé de bloquer les utilisations frauduleuses du jeu. Donc là, il va y avoir plein de gens sur Twitter qui vont dire « Hey, j'ai un bug dans votre jeu, comment ça se fait que c'est tout pixelisé? » Ben, Colin, c'est toi le pire, ça. C'est toi le pire. Donc, pour l'instant, on n'en a pas plus. Il n'y a pas eu de commentaires de la part d'Electronic Arts. Ce ne sont que des... on présume des choses. Robin Williams apparaît subtilement dans le jeu World of Warcraft. Si vous n'avez pas encore vu la nouvelle, c'est un article de l'agence France Presse. L'acteur américain décédé le 11 août avait une passion pour les jeux vidéo. Peut-être pas une passion, mais il aimait bien ça quand même. On l'a vu dans quelques publications et publicités, etc. Donc, il fait une apparition subtile dans World of Warcraft. Dans une version test de Warlords of Draenor, un personnage futuriste nommé Robin, dont l'habit violet rappelle celui du film d'animation Aladdin, porte une lampe où un génie, doublé par l'acteur dans le film Disney, cite deux phrases du film. C'est un amateur du jeu qui a annoncé la trouvaille sur le site d'animateur Wowhead, qui détaille d'autres indices d'un hommage apparent. Donc, un personnage à bretelles, comme Mark dans Mark and Mindy, il jouait dans cette émission-là, ou une femme en jupe à la Madame Doubtfire, un autre rôle emblématique de Robin Williams. Selon The Verge, d'autres hommages seront peut-être visibles dans la version définitive du jeu, qui sort le 13 septembre, et toujours pas de commentaires de la part de la compagnie. Allons-y avec un dernier. Les sports électroniques, on en parlait il y a quelques semaines, qu'il y avait une diffusion sur une des chaînes de ESPN d'une compétition de jeux vidéo. Je me rappelle pas c'était quel jeu vidéo, mais bon. Mais pavé dans la mare, outrage pour la sphère du sport électronique, le e-sport. En fin de semaine passée, John Skipper, le grand patron d'ESPN, le leader de la retransmission sportive, c'est l'équivalent américain de RDS et autres, a déclaré que le e-sport n'était pas un sport. L'homme, d'ailleurs, étoffe ses propos en prenant notamment l'exemple du jeu d'échecs. L'e-sport n'est pas un sport, c'est de la compétition. Le jeu d'échecs est aussi une compétition. Hein? Il dit « Je suis surtout intéressé par de vrais sports ». Curieuse considération, voilà, ça le dit dans l'article de ce monsieur-là, lorsqu'on sait que le groupe a rediffusé l'International 4 de Dota 2 en juillet, mais aussi un tournoi de Call of Duty Ghosts sur ses ondes. Mais c'est ça, ça veut pas dire qu'il va pas les couvrir, c'est qu'il dit que c'est pas un sport. Tu sais, ils vont diffuser des dards à RDS, tu sais, ils vont diffuser du ping-pong, tu sais, du hachage d'arbres, tu sais. Il y a plein de... Tu sais, ça veut pas dire que... Tu sais, bon, oui, certains de ceux-là sont des sports, là, je vais pas partir un débat sur qu'est-ce qu'il y a d'un sport, qu'est-ce qu'il y en est pas un, mais ça veut pas dire, juste parce qu'il dit que c'était pas un sport, qu'il allait pas les couvrir. Fait juste dire, c'est pas un sport. Reste à savoir si ces déclarations vont... Je suis pas d'accord nécessairement avec lui non plus. Reste à savoir si ces déclarations vont être bien accueillies par les joueurs. Sûrement pas. Peut-être que des pétitions vont arriver pour réclamer des excuses. On s'en contre-sacre des pétitions pour demander des excuses. Who cares que le président de ESPN dit que c'est pas un sport? S'il continue de couvrir d'en parler, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un ESPN je sais pas, 14 qui va être consacré sur le jeu vidéo. Peut-être que ça va arriver un jour, je sais pas. Je sais pas à quoi est-ce que les joueurs s'attendent comme considération, tu sais. Faut vraiment leur dire, oui, ok, c'est du sport, parfait, cool, mais après ça, ça va donner quoi, tu sais. Bref. Côté location de jeux vidéo, dans le top 5, Madden NFL 15 sort en 5e place avec, en fait, sa présence sur PlayStation 3. En 4e, c'est Diablo 3 Ultimate Evil Edition sur la Xbox One. En 3e, même jeu sur la PlayStation 4. En 2e, c'est encore Madden sur Xbox One. Et en 1ère, aussi Madden sur PS4. Voilà pour le bloc CNX. On est déjà dans CNX. D'habitude, j'aurais remis la musique de CNX, mais on est déjà dedans, donc continuons comme ça avec la suite de la conférence sur le iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Il nous reste que très peu de temps avant de passer à la nouvelle chronique rétro de notre ami Samuel Girard qui s'en vient nous parler de Super Mario 64. Donc, avançons un petit peu le iPhone. Quand on s'est parlé tantôt, on faisait des achats en ligne. C'est la dernière affaire qu'on avait mentionnée. Ça disait que ça allait arriver en octobre 2014. Voilà. C'était Apple Pay. Ah, OK. On est rendu au One More Thing. Voilà, One More Thing. Il disait, la personne qui était sur scène, c'est Tim Cook qui était sur scène, qui disait, on passe à autre chose, on a déjà passé à travers assez d'affaires pour dire que notre journée est bien remplie. Mais nous n'avons pas encore terminé. Nous avons une autre chose. Oui, l'appellation One More Thing a été dite par Tim Cook, qui est un hommage, bien évidemment, à Steve Jobs, qui disait ça à chaque fin de conférence. Mais c'est rare qu'il utilise ces mots-là. En fait, je pense qu'ils ont jamais utilisé. Les répliques classiques, tout le monde applaudit dans la salle. Une chose de plus apparaît à l'écran. On parle des nouveaux produits. C'est le moment où Tim Cook prend la place chez Apple et fait sa propre légende. C'est ce qu'on dit chez The Verge. On dit que c'est là qu'il s'est approprié Apple. Donc, un tout nouveau produit. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est là que ça se passe, là. On va parler de l'iWatch. Évidemment, faut le dire, ça s'est passé il y a environ 17 minutes. T'sais. J'ai eu le temps de faire le bloc CNX pendant que ça se passait, donc on va résumer ça en rafale, OK? Donc, on passe une vidéo, tremblement, presque de terre, beaucoup de base, hein? Terre au lever du soleil, hein? C'est ce qu'on nous montre à l'écran. Paquet d'images en plan rapproché. C'est une montre! Elle est ronde! Et les carrés, donc est-ce qu'elle est ronde et carrée? Très jolie montre, nous dit l'article. Moi, évidemment, je regarde les photos ici. Il y a une montre qui est affichée à l'écran en très, très gros. Affichage carré, courbé sur les côtés, un petit peu. Quand même, c'est comme un carré courbé. Rectangulaire, en fait, plus que carré. Les éléments à l'écran sont circulaires. Le bracelet est quand même assez intriguant. Il y a beaucoup de bracelets différents qu'on peut se procurer. Elle, c'est bon, voilà. J'attendais qu'on me dise le nom. Elle s'appelle la Apple Watch et non pas la iWatch. Bon, il y a une version en or 18 carats. Donc Apple Watch est le nom qu'on montre à l'arrière de la montre en passant. Il n'y a pas encore à ce moment-là. Il y a 14 minutes montré le nom. Donc argenté, doré, différentes bandes, différents bracelets, des douzaines de montres qu'on voit à l'écran. Gros applaudissements. En effet, le logo est le logo Apple suivi de Watch écrit en majuscule. Ça fait bizarre parce que d'habitude tout est en majuscule, minuscule. Mais bon. Cook en portait une sur son poignet à ce moment-là avec le bracelet blanc. Ovation debout pour ça. Les gens se lèvent, hein. Quand même, hein. C'est une secte cette histoire-là. C'est rendu là. Ensuite, oui, c'est ça, Apple, on dirait, selon l'article de The Verge, essaie de s'éloigner un petit peu du high quelque chose. Ça, on a mentionné en début d'émission, high truc, ou peu importe, là. Ici, on a parlé jusqu'à maintenant de Apple Pay, et là, c'est la Apple Watch. On essaie vraiment de mettre le mot Apple. C'est synchronisé en temps réel à l'heure universelle standard. On peut le personnaliser. C'est pas encore dit comment. C'est aussi un appareil de santé et de fitness, de mise en forme. Nouvelle façon intime de connecter et de communiquer à partir de votre poignet. Ça ressemble beaucoup à, dans le fond, on dit qu'il y a l'ADN d'un iPod Nano sur le poignet. C'est à la mode il y a quelques années d'avoir un iPod Nano sur son poignet. Je cite, avec chaque produit révolutionnaire arrive des nouveautés dans l'interface. C'est nécessaire. C'est ce que dit Tim Cook. En effet, on regarde sur la montre, en ce moment, il y a plein d'icônes circulaires, pas empilées une par-dessus l'autre, mais vraiment très, très proches l'une de l'autre. Je sais pas si ça fait partie de l'interface. On avance dans le temps avec la conférence. Là, je vous remets à jour, comme j'ai dit tantôt. Donc, Cook parle des innovations de l'interface utilisateur d'Apple. Donc, le système du Mac, la roue à cliquer sur l'iPod, ensuite le multi-tactile sur l'iPhone. Donc, on va arriver à la Apple Watch bientôt. Ensuite, donc, Cook montre comment on peut pincer et zoomer. Est en train de dire comment ce serait nul de pincer et zoomer sur une montre. Ça n'aurait pas de sens, voilà. Donc, Cook qui prend son temps à révéler les caractéristiques de son petit bébé. La couronne, il y a une couronne sur le côté. Ah, c'est ça. OK, je voyais qu'il y avait un bouton un peu comme pour dans le temps qu'il fallait crinquer les montres. Il y a ça sur le côté. Je sais pas si c'est le côté un petit peu rétro de la chose qu'on essaie d'avoir vraiment comme de ramener le côté montre de la chose et pas juste d'un bracelet. Ce qui... J'avais dit le contraire. J'aurais pensé qu'il aurait fait le contraire et qu'on aurait plus fait un bracelet qu'une montre, mais bon, peu importe. Donc, il y a une petite couronne sur le côté. On peut tourner sur la couronne, mais en fait, tourner la couronne pour zoomer et dézoomer sur une carte à la place de pincer et scroller. Pincer et zoomer. On peut appuyer sur la couronne pour revenir à l'écran d'accueil. Donc, la couronne devient le bouton Home, comme sur l'iPhone. Je me serais attendu à un vrai bouton Home, comme sur le iPod Touch. iPod... c'est quoi le plus récent? Le bâton, le iPod Nano. Donc bref, on appuie sur la couronne qui est sur le côté droit de la montre. On dit qu'on peut la porter toute la journée à toutes les occasions. Ça va être le contrôle principal, la couronne, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est pas une super grosse montre, plus petite environ, en tout cas d'apparence à l'écran, que ma Pebble Steel que j'ai en ce moment, que je trouve juste parfaite comme grandeur. Mais un petit peu plus petit, j'avoue, ce serait quand même bien. On a évidemment une vidéo de Johnny Ive qui nous parle du design. C'est très très classique comme apparence et ça ressemble vraiment beaucoup à iPod Nano, comme on a dit tantôt, côté horloge jusqu'à maintenant. La Apple Watch a quelques sensors à l'arrière pour avoir les données de votre poignet, comme on avait fuité dans les derniers mois. On ne sait pas encore si l'écran... on ne sait pas encore, en date de 11h06, si l'écran est tactile. Okay. Donc, la montre affiche... allume l'affichage lorsque tu lèves ton poignet dans les airs. Sinon, j'imagine que c'est complètement en noir. Donc, il y a l'air d'avoir un écran tactile selon la vidéo, mais on sait toujours pas en date de il y a quelques minutes. Quand l'écran apparaît, c'est une série de points qu'on scrolle d'une façon ou d'une autre. C'est pas encore vraiment précisé. L'interface se démarque des autres interfaces de montre jusqu'à maintenant. C'est plus qu'un appareil qui vous fait des notifications comme, entre autres, la Pebble, même si la Pebble fait pas mal plus de choses que ça. Ensuite de ça, on peut dicter des paroles à la montre pour répondre à un message. On peut swiper, donc oui, en effet, c'est un écran tactile. Le contraire m'aurait vraiment surpris. Il y a des informations qui apparaissent, ce qu'on appelle des glances, donc des informations qui apparaissent par-dessus le reste, si je comprends bien. J'y vais rapidement là-dessus, donc c'est sûr que les détails sont pas tout à fait là en ce moment, on va y revenir plus tard. Ensuite, on dessine, on envoie un dessin à un ami via la montre. Okay, on peut voir une liste d'amis, les montres se parlent les unes les autres. On peut envoyer des dessins rapides, comme je disais, ou ton battement de cœur. Je sais pas pourquoi t'enverras ton battement de cœur, mais bon. Il y a un écran saphir. Oh, c'est confirmé, un écran en saphir. C'était pas assez peu dispendieux pour l'iPhone. On décide de pas faire du saphir. En tout cas, c'est ce qu'on disait tantôt. Mais la montre, elle, est en saphir. L'écran est un écran tactile qui ressent aussi la force, donc la pression qu'on fait à différents degrés va être ressenti sur le téléphone. Il va pouvoir faire différentes options. On peut faire la différence entre taper et appuyer sur le bouton, ben, sur l'écran. Voilà. C'est comme un genre de clic droit quand tu appuies sur la montre, nous dit The Verge. Il y a un petit haut-parleur aussi dans la montre. C'est une expérience discrète et nuancée, nous dit-on. L'électronique est sur une petite planche scellée pour protéger contre l'eau. Il y a une petite lumière LED pour lire votre battement de cœur. Ça utilise aussi le GPS de votre téléphone. Donc, il n'y a pas de GPS intégré, si je comprends bien. C'est le GPS dans le téléphone. Il y a un port MagSafe pour charger, un peu comme sur le MacBook Air et autres, où on peut tirer sur le fil et le débrancher. C'est un peu la même chose, mais avec un port qui a l'air rond. On dirait un stéthoscope à l'arrière de la montre sur la photo qu'on montre à l'écran. Comme un chargeur assez mignon. Ensuite, donc c'est ça, Apple se penche vraiment sur le fait que c'est une montre et non pas un appareil à porter. C'est pas un bracelet, c'est pas un appareil portable, portatif, c'est une montre, principalement. Voilà. Ils ont même travaillé avec des experts horlogers, nous disent-ils. Il y a plusieurs faces différentes pour la montre avec des informations additionnelles dépendant de laquelle vous choisissez. Il y a une montre Mickey Mouse, un peu à faire comme ça. Ça ressemble encore une fois à certains modèles de l'iPod, à l'iPod Nano qui avait certains modèles de ces faces-là qui ressemblaient à ça. 6 différents bracelets qui vont cliquer dans une place spécifique de l'appareil. Ensuite, ouais, c'est ça, évidemment, ils disent qu'ils changent les choses, etc., etc. Il y a une boucle de... en fait, il y a du cuir là-dedans. Il y a du cuir. Il y a aussi du stainless steel, si vous voulez. Voilà. J'avance dans le temps. Deux grandeurs d'Apple Watch. Deux grandeurs, c'est ce qu'on voulait savoir aussi. Donc, l'interface qu'on nous montre encore un petit peu. Deux grandeurs. Collection sport en aluminium. Trois finis, plusieurs bracelets, deux grandeurs. C'est le résumé de la chose. Et puis, il y a une édition 18 carats, comme on l'a dit, en tout début de l'intervention tantôt. Donc, une ligne d'appareils, la Apple Watch, 1 million de designs. En fait, ça dit plusieurs millions de designs uniques qu'on peut faire si on modifie la face de la montre, le bracelet, la grandeur, etc., etc. Tim Cook de retour sur scène. Il travaille sur la Apple Watch depuis longtemps. Il va falloir s'habituer parce que tout le monde disait iWatch. Là, il va falloir commencer à dire Apple Watch. Donc, sur scène, on fait une démonstration. Le iPhone est requis, évidemment, avec la Apple Watch. Je pense que ça, c'est assez évident qu'elle allait pas faire une montre, qu'elle allait tenir toute seule. Sinon, moins d'argent dans leur poche, hein. Ouais, je pense que pour l'instant, c'est pas mal ça. Ça montre un chronomètre, ça montre des informations boursières, ça montre des planètes, des trucs comme ça. Le lecteur MP3, on écoute du Coldplay, hein, super, super Coldplay. Le calendrier et tout. Et voilà, nous voilà à jour. 11h22 dans l'Ouest, 14h22 dans l'Est. 22. Je pense que la chose la plus sage à faire serait maintenant de passer à notre série sur Super Mario 64. Depuis quelques semaines, on écoute deux pièces à la fois. Et cette semaine, la raison même que je trouve que c'est parfait de mettre ce bloc-là maintenant, on va écouter les pièces 3 et 4, pardon. C'est que notre nouveau collaborateur à l'émission, Samuel Girard, s'en vient dans quelques instants pour sa nouvelle série sur les jeux rétro. Donc, allons-y avec les pièces 3 et 4 du CD2 de Super Mario 64, Portrait of a Plumber, que vous pourrez trouver sur assemblagerequis.com. On y va avec la première qui est par Prophetic. Voici Junkie, basé sur Super Mario 64 Main Theme. Oh, vas-y, plonge. Super Mario 64, that game is good down to the core. That game is sweet, playing it is not a big chore. Stop, you jump all around like a fool. Super Mario is super cool. So play it all day, play it today, then go to school. It would help if I played it at first. Play a song, would it be so adverse? I wish I'd been warned, tell me more. I think that my head is gonna burst. All they said, it is still a sweet game. I really have no one to blame. So play it today, you won't be ashamed. This song is driving me insane. It's similar to crack cocaine. Addictive at first, now somewhat inhumane. Please give me some aspirin, I have a migraine.

Brandon Strader ou Strutter avec Prog Mario, basé sur la pièce Metallic Mario dans Super Mario 64. Juste avant ça, on a entendu une autre pièce sur le deuxième CD de cette compilation, Portrait of a Plumber. C'était Junkie, basé sur Super Mario 64 Main Theme, c'était par Prophetic. Et ça tombe drôle qu'on ait la pièce Prog Mario là. C'est un hasard total parce qu'on reçoit Samuel Girard. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ben oui, ça va numéro un. Ça fait très longtemps qu'on se parle de faire quelque chose ensemble. Oui. On va se plan de show des semaines et des mois. Toi qui es un animateur et un amateur, donc un animateur. Oh, on invente des mots aujourd'hui. Et en plus, t'es un homme, donc t'es un homme animateur. Et ça, je le répéterai pas. Un homme animateur. Donc, t'as animé cet été une émission de musique dans ce genre-là, oui, si on veut. Oui, exactement, métal progressif. Même si moi, j'étais sûr qu'en disant Prog Mario puis en l'associant à toi, que t'allais me dire « Mais ce n'est techniquement pas du progressif! » Mais non, ça en est. Non, il y a une touche de progressif dans la chanson, un peu plus métal, mais... C'est progressif aussi. À cause du changement de style à exactement. Changement des rythmiques, l'orgue, le choix d'instruments, c'est tout. Il y a des éléments du progressif. Ça, c'est certain. Et t'as aimé le clavier qu'il y avait là-dedans parce que t'es clavieriste un petit peu. Exactement. Aussi. L'orgue vient me chercher. Ouais. Et présentement, cette session-ci et l'année passée aussi, t'animes Génie en liberté. Exactement. Donc, j'ai passé du mercredi après-midi, là, c'est maintenant lundi matin, 9h30 à 11h cette session-ci. Entre Assemblage Rocky et le Dîner de Comte. Exactement. Et tes intros sont aussi de la musique progressive. Oui, ça, je passe pas à côté de ça. Parfait. Dans quelques instants après la pause, on va parler ensemble d'un jeu rétro. C'est ce qu'on va faire une fois de temps en temps au Mathieu Plancho. Et aujourd'hui, on va parler de Super Mario 64. Oui, un préféré de beaucoup de monde, ça, faut le dire. Hein? Oui, on va aborder plein de thématiques et plein de sujets dans ça. Ok, oui. J'imagine. Ça se passe au retour de cette pause au Mathieu Plancho. Restez là. Fou d'artistes émergents. 89.1. Vous êtes toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et j'ai pour la première fois depuis très longtemps, en fait, on n'a jamais eu d'invité en tant que tel à l'émission. J'ai eu une co-animatrice, mais pas d'invité. Samuel Girard, qu'on a présenté tantôt. Rebonjour. Rebonjour. Je me suis pas sauvé. Non, c'est ça, toujours là. Toujours l'animateur de Génie en liberté les lundis à 9h30. Ok, oui. C'est tout à fait vrai. Et on commence une nouvelle série ponctuelle. On verra sa fréquence. Ouais, c'est ça, une fois de temps en temps. Tu sais, quand ça donne à nous deux. Sur les jeux vidéo, est-ce qu'on peut dire, prisons-nous ta chronique à la place de faire ça. C'est mieux, non? En fait, c'est très simple. Je vais prendre j'aime ça les jeux rétro. Ouais. Ok, je suis un collectionneur, je ramasse beaucoup de jeux vidéo, un peu plus de, mettons, avant 2000. Et j'aime ça prendre un jeu et explorer ses secrets, qu'est-ce qui a été caché un peu dans le code, qu'est-ce que les programmeurs sont amusés à faire un peu comme niaiserie entre eux. Ce qu'on appelle des fois des œufs de Pâques. Oui, c'est ça, les Easter eggs, l'expression plus commune. Mais c'est ça, donc j'aime ça un peu explorer ça. Puis je veux les tout prendre ça, mettre ça ensemble et faire une chronique en prenant un jeu à l'occasion. Ça peut être assez divertissant. C'est en effet vraiment divertissant et vraiment génial. J'ai très hâte de commencer ça. Alors allons-y avec notre sujet d'aujourd'hui qui est Super Mario 64. Ça fait du bien d'entendre ça. Surtout avec la musique de Mario 64 que je mets à chaque semaine depuis le début de en fait, depuis la fin de l'été. Ça me donne envie de rejouer, tu sais, de découvrir les choses que tu vas nous dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que je me suis amusé à reprendre le jeu puis à faire le tour, tu sais, quand j'étais jeune, ça m'a pris des heures et des heures, des mois. Je m'en même un an avant de trouver toutes les 120 étoiles qu'il y avait cachées dans le... Et sans tricher. Oui, exactement. Il y avait pas de guide, il y avait pas internet quand j'avais 8-9 ans, donc c'était une autre paire de manches pour tout trouver. Mais c'est ça, puis j'ai ressorti le jeu il y a pas longtemps, puis je me suis amusé à refaire le tour au complet et étonnamment ça m'a pris 12 heures faire les 120 étoiles. 12 heures, mais là tu savais déjà où c'était, tu avais pas cherché. C'est ça. Ouais. Ça a l'air que ma mémoire de quand j'avais 8-9 ans est encore excellente. C'est ça. Je me rappelais de je sais pas pourquoi, mais par contre, je vais avoir de la misère à retenir mes formules d'examen. Ah ben ça. Mais ça, les 120 étoiles de Mario, pas de problème. Faut avoir les priorités à la bonne place. Mais de tomber sur, mettons, un exemple comme ça, il y a des étoiles, des fois, qui sont un petit peu ridicules. Il faut tomber dans une fenêtre à un moment donné où il y a la princesse Peach. Oui, exactement. Pour aller faire une course, si je me rappelle bien. Tomber là-dessus, il faut vraiment que tu commences à gratter les mains. Tu cherches chaque petit raccoin du château. En plein ça, ben en fait, c'est je sais pas pourquoi j'avais une logique quand j'étais jeune qu'une salle n'existait pas pour rien dans un jeu. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends que c'est parce que les programmeurs devaient pas avoir tant de temps à perdre que ça avec les limites de temps pour rendre leur projet. Donc, je me disais, s'il y a une salle, il y a quelque chose à découvrir. Ouais. Donc, quand on devait passer à travers un mur ou à travers une fenêtre, un portrait, quelque chose, ben, j'essayais. Je peux passer une heure là, mais à un moment donné, je trouvais qu'est-ce qu'il y avait à trouver. Et c'est satisfaisant après ça. Oui, mais oui. Le sentiment de devoir accompli. Oui. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'a plus bien le temps de faire ça quand on décide de prendre un jeu. Ça, c'est ce qui est dommage. Fait qu'on va sur GameFAQs, on va sur YouTube chercher des run-throughs, puis ça gâche le plaisir. Faut le faire le moins possible. Je me mets des limites, là. Il y a des fois, je suis déjà allé voir, à un moment donné, sur certains jeux, comme dans le plus récent Mario 3D World, il y avait une étoile que je réussissais pas à trouver. Je l'ai fait, après ça, j'ai honte, puis après ça, je le raconte, puis j'ai honte de l'avoir raconté, puis ça se peut plus. Ouais, mais ça, tout le monde le fait, mais comme je dis, c'est que à travers le travail, l'école, nos projets, tout ça, faut à un moment donné savoir choisir. Et quand ça fait une heure que tu cherches quelque chose, tu peux peut-être te dire, bon, mais si je veux que mon plaisir se continue, je suis peut-être mieux d'aller voir, puis de continuer le jeu, c'est ça. À un moment donné, là. Puis quand on était jeune, on avait des fois peut-être 2-3 jeux en tout, là. Oui, par année, on avait peut-être un jeu, donc c'est sûr qu'on jouait sans cesse pour essayer de trouver les trucs qu'il y avait dedans. C'était notre façon de nous divertir. Exactement. Non, des fois, moi, je m'achète 10 jeux dans la même semaine. Oui. Je trouve quelque chose sur Internet, puis tout des jeux à 5$. Ben, j'en prends 10, me coûte 50$, puis je reçois plein de jeux que je vais essayer. Un bon investissement. Oui, quand même. Ouais. Mais c'est ça. Mais je peux pas commencer à prendre des heures et des heures dans chacun des jeux. Si seulement on avait tout ce temps-là. Mais on l'a pas. Non, on l'a pas. Parlons de Mario 64. Oui, donc Mario 64, jeu de 1996. Je m'étais sorti la date exacte pour la sortie nord-américaine. C'était le 26 septembre 1996. Mm-hmm. Si je me trompe pas, c'est une journée avant la sortie de la console. Donc on pouvait acheter le jeu avant le Nintendo 64. Ça, c'est le fun. C'est merveilleux. C'est excitant, là, tu vis quelque chose, là, t'as de l'attente. Oui, mais au moins c'était juste une journée. C'était pas exagéré. Donc, Nintendo qui a produit ce jeu-là. La première chose dont je veux parler, c'est évidemment les Easter eggs, les fameuses œufs de Pâques qu'on peut trouver dans le jeu. C'est pas aussi flagrant qu'est-ce qu'on va avoir dans des jeux aujourd'hui, mais c'est quand même des petites choses cachées qui peuvent être intéressantes. Mm-hmm. La première, la plus simple, c'est la face de Mario à l'intro du jeu. Oui. On peut déformer. Oui. Ça, on peut tellement avoir des heures de plaisir avec ça. Là. On peut faire n'importe quoi. Ça prend pas grand-chose pour avoir du fun, mais en effet, juste tirer son nez sur ses oreilles, des affaires comme ça. Sa moustache, son menton, n'importe quoi. Mm-hmm. Mais oui, donc ça, c'est considéré comme un Easter egg. Oui, même si c'est pas vraiment caché. Tout le monde s'en est rendu compte. C'était pour nous pratiquer à utiliser la nouvelle manette. Vu que c'est le premier jeu. Donc, il voulait qu'on se familiarise avec les contrôles. Donc, avec tous les contrôles, on peut avoir justement les fonctions pour déformer le visage. Ça nous permettait de se familiariser un petit peu. Ça a été fait pour ça. Ça faisait changement du 2D gauche-droite des jeux vidéo de Mario. Et tellement. Aussi, si on va avec Mario dans un étang d'eau et qu'on s'arrange que Mario ait de l'eau à peu près jusqu'au genou, un petit peu plus haut, et qu'on se met à sauter sans arrêt, à un moment donné, dans les éclats d'eau, il y a un poisson qui va sauter. Mais juste une fois de temps en temps. La fois que je l'ai essayé, c'était pour le filmer, pour prouver que le truc fonctionnait. Donc, c'était pas une si perte de temps que ça. Et ça a pris 20 minutes avec un poisson saute. Et j'ai appris aussi qu'à l'occasion, il y a même deux poissons qui peuvent sauter. Mais là, j'ai pas osé l'essayer jusqu'à les deux poissons. Ça va être long. C'est encore plus long. Mais tu sais, on se demande, est-ce que le programmeur a vraiment mis un timer sur le temps que tu vas passer dans l'eau, puis à la 20e minute, pour récompenser le joueur, a dit, OK, je vais mettre un poisson en 20 minutes. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Parce qu'il y en a qui l'ont en une minute. OK. Moi, ça m'a pris 20 minutes, mais c'est vraiment une fonction aléatoire pour les poissons. Mais il y a quelqu'un qui a reprogrammé ça, que de temps en temps, il y a un poisson qui peut sauter lui aussi de l'eau. Et c'est pas un poisson qu'on voit communément dans les Mario, genre les petits poissons sauteurs dans le premier Mario, là, tu sais, genre. Non, c'est pas ça. C'est, exemple, si vous êtes dans un étang d'eau et que vous nagez dans l'eau, des fois, il va y avoir des petits amas de poissons. Ouais. C'est ces petits poissons-là. OK, wow. C'est ceux-là qu'on va voir sauter. Mais clignez pas des yeux, vous allez le manquer. Ça, c'est à ne pas faire. Également, si on va au dernier combat contre Bowser. Donc, le dernier niveau. Tu sais qu'on le tourne en rond, là, puis il faut le lancer sur des exactement, mines. Exactement, on bombes. Fait ça 3 fois. Okay, oui. Il y a 3 fois dans le jeu qu'on a fait ça. La dernière fois, quand on a 70 étoiles, juste avant d'entrer dans le tuyau pour aller affronter Bowser, il y a une partie avec des poutres. Okay. Et il y a un vent qui nous pousse. Mais si on observe les poutres, il y a un dessin, je peux dire un pictogramme, qui représente un combat de Super Mario Bros. 1 au Nintendo. Ah oui. Et on voit Bowser qui tire son feu et Mario est en train de sauter par-dessus une flamme. Mais ça a l'air gravé dans les poutres. Il y a ça sur les 4 poutres. OK. Donc, petit souvenir des vieux Mario. Ouais, c'est ça que la plupart des gens verront pas, mais qui rajoute un petit quelque chose. Exactement. C'est donc, si vous cachez du vent en arrière d'une des poutres, utilisez le bouton de la caméra, le bouton C, puis regardez la poutre. Vous allez très bien voir le dessin et c'est clair que c'est ça. Wow. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, le niveau, c'est le quatrième monde, Cool Cool Mountain. Le niveau dans la neige. Oui, ben oui. On a une course contre un pingouin à faire, à un moment donné dans le jeu. Et ce pingouin-là, bon, difficile à battre parce qu'il nous pousse un peu. Et si on retourne dans ce niveau-là, faire cette étoile-là, quand on a les 120 étoiles, le pingouin a doublé de grosseur. Donc, il prend la largeur complète de la piste. Tu peux plus passer? Ben oui, mais t'as peut-être l'espace de Mario de chaque côté. OK. C'est tout. Donc là, c'est vraiment tout qu'un défi. Mais ça, qui va retourner faire cette étoile-là spécifiquement quand que t'as fait le tour du jeu? Personne. Et c'est comme un gag pour dire, genre, je suis tellement déprimé d'avoir perdu ma course contre toi que je me suis même mangé. Mais encore là, ils l'ont pas mis plus gros. Ils ont étiré les pixels. Okay. Donc, il est vraiment affreux. mais il est plus gros. Bizarre, OK. Ouais, c'est ça. Le canon qui a une grille par-dessus à la plage avant qu'on rentre dans le château. Okay. Donc, quand on a 120 étoiles, ce canon-là s'ouvre et on peut tirer sur le toit. Donc, on parle même pas dans un tableau, juste à l'extérieur, dans le monde. Ben, où on commence le jeu. Ouais. C'est ça. Donc, avant même d'entrer dans le château. C'est ça. Donc, ce canon-là nous permet d'aller sur le toit, sur lequel il y a Yoshi. Oui, c'est vrai. Et on peut avoir 100 vies en allant lui parler. Étonnamment, si vous observez, il y a une faute grammaticale dans le texte quand Yoshi nous parle. Ben et c'est une faute flagrante. Okay. C'est, je pense que c'est le verbe être qui a été mal conjugué. Okay. Mais tu sais, en anglais, c'est is, are. Ouais. C'est une erreur comme ça, là, que c'est vraiment le mauvais mot. Uh-huh. Et là, la phrase se lit bizarrement. Et sûrement que les testeurs se sont pas rendus jusqu'à réussir ça, parce qu'il faut encore une fois, là, faut que t'aies eu toutes les étoiles. Exact. Que tu sois dans le canon, que t'ailles voir Yoshi, que tu lui parles pour avoir les vies. C'est en plein ça. Okay. Il y a une autre erreur aussi dans le texte, c'est que quand que t'arrives devant une porte, qui a besoin d'un certain nombre d'étoiles, puis que t'en as pas assez, la porte, il y a un message qui va apparaître, va te dire, il te manque tant d'étoiles pour entrer. Mm-hmm. Mais le message est fixe. Donc, que t'aies une étoile ou deux étoiles, le pluriel... Le stars reste stars. Exactement. Wow. Alors que ça veut être une star. Ouais. Mais il n'y a pas deux messages pour dépendre du nombre. Ça aurait été facile à réparer, ça, il me semble. Mais bon. Oui, mais ils l'ont pas fait. Ben non. Ensuite, il y a une plaque dans la cour arrière où il y a le niveau des fantômes. Okay, oui. Donc, où tous les fantômes qui se promènent. Il y a une plaque commémorative au centre de la fontaine sur laquelle on peut lire « L is real 2401 ». Ouais. Mais en fait, c'est ce que les gens pensent qui est écrit. Ben, c'est ça. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est Eternal Star. Il y a plusieurs interprétations. Puis dans quelle langue ça a été écrit, on ne sait pas. Mais c'est ça. Donc, la rumeur, c'est que c'est une plaque commémorative de Luigi qui aurait été retirée du jeu. OK. OK. Et la date 2401 serait la sortie du prochain jeu dans lequel Luigi ferait son apparition. Le 24 janvier. Oui. Et étonnamment, le jeu a été retardé un petit peu, mais Paper Mario est sorti au mois de février. Ha! Donc, mais, il travaillait sûrement déjà sur Paper Mario lors de la fabrication. Encore là, c'est tôt. Parce que c'est plusieurs années plus tard, c'est Paper vrai. Mario. Donc, c'est simplement des rumeurs. Les gens essaient de matcher la date avec quelque chose. Exactement. Et un autre fait étrange, c'est que la même plaque identique, la même écriture, apparaît dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ah ben là, c'est moins un hasard si elle est dans les deux. Mmh. Ouais, mais c'est les mêmes programmeurs qui travaillent sur les jeux. Donc, c'est dur à interpréter, j'ai l'impression qu'on saura jamais la réponse. Et c'est sûrement le but de la chose. Ils ont mis ça là peut-être pour que les gens se posent des questions ou pour créer un petit peu c'est de... ça. Aussi, pour sauter des parties du jeu, on peut faire un saut arrière. Donc, c'est le saut en longueur. On paye tout par en arrière et on se met à peser sur le bouton A de manière violente. Okay. Et si vous faites ça dans la cage d'escalier de la porte qui demande 50 étoiles et dans l'escalier à l'infini, vous pouvez aller vraiment vite et passer à travers les places où on pourrait pas passer normalement. Mm-hmm. Ça a donné en sorte qu'il y en a qui ont réussi à faire le tour avec 16 étoiles, 0 étoiles. T'arrives directement au buzzer final. Exactement. C'est des escaliers, les escaliers sans fin dont tu parles, c'est des escaliers que tu continues de monter puis sans cesse, tu penses qu'il y a une fin parce que tu vois une fin derrière. Oui, c'est ça, mais t'arrives jamais. Mais tu peux réussir à passer ça avec le saut arrière. Mm-hmm. Donc, c'est une petite chose à essayer. C'est très difficile, par exemple. Technique d'expert, tant qu'à ça, faites le jeu au complet, c'est plus... Oui, c'est ça. Plus fun. Quand on a accès au toit et à Yoshi, il y a aussi une casquette pour voler qu'on a. OK. OK. Ça, personne ne le sait. J'ai trouvé ça quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, parce que je pensais qu'il y avait autre chose à faire un coup qu'on avait accès au toit. Ouais. Et si on vise avec le canon sur la partie la plus élevée du château, et qu'on essaie, on atterrit sur le toit en pente, et qu'on réussit à pas glisser en bas, et qu'on saute, on peut passer à travers le mur, tomber à l'intérieur du château. Mais l'intérieur du château est pas chargé. OK, parce qu'on est dans une carte complètement c'est genre ça. Dans le jeu. Okay. On est dans une boîte noire dans laquelle on est pris. Ouais, on est à l'intérieur du château mais sans que le château soit chargé. OK. Ça c'est assez spécial. C'est et on peut passer par la porte. La porte est disponible, sauf que si on passe par la porte, on se trouve à charger l'intérieur mais en sortant à l'extérieur. Donc on est encore pris dans une boîte. Oui. Donc, c'est une belle manière de faire planter le jeu. Et là, la seule façon de t'en sortir, c'est de quitter le jeu. Quitter revenir. Le jeu, mais me semble, si je me trompe pas, il y a un moyen de faire un double saut par-dessus la porte, et je pense qu'on peut retraverser de l'autre côté okay. si on trouve le bon endroit. Ouais. Mais c'est ça, mais je voudrais vérifier, mais il me semble que j'ai réussi à m'en sortir sans redémarrer le jeu. Cool! Faudrait que je le réessaye, ce truc-là. Ensuite, si tu veux faire jouer l'extrait 1, pour sauver du code, la voix de Boo, le fantôme, est tout simplement la voix de Bowser en accéléré. Oh, on écoute ça, attention, à Boo. C'est tellement ça. C'est la même chose. C'est les gros cris de Bowser, le gros... Oui, mais wow. Appliqué pour les hiboux. Ben. Donc, c'est ça. Il voulait sauver du code ou il voulait nous montrer que c'est les ancêtres de Bowser qui sont maintenant rendus décédés et des enfants tombent. Ah, toi, tu as eu les théories autour de ouais, ces personnages-là. Oui, ça, c'est des théories. De ton cru. Oui, celle-là vient de moi. Je ne l'ai pas lue, celle-là. Mais sûrement quelqu'un qui l'a noté à quelque part. Sûrement. Ça faudrait que je cherche un peu. Ensuite, encore dans Cuckoo Mountain, si vous faites un saut à plat ventre à côté d'un bébé pingouin, il va vous imiter. Ah, il va faire la même chose que toi. Oui, c'est tout cute. Tu t'es rendu son ami. Exactement. Ah, Mario 64 devait avoir un mode coopératif. Ah! Oui. Et en fait, ça a été retiré du jeu. On devait pouvoir, chaque joueur devait pouvoir contrôler Mario en format écran partagé, split screen, oui. Comme le monde connaît. Et on pouvait aller n'importe où dans le niveau indépendamment l'un de l'autre. Et ça aurait été difficile, ça aurait été compliqué à gérer, ça, j'imagine, mais ça, c'était fonctionnel, c'était... Ben, dans le démo, il y avait des fonctions pour ça. Okay. C'était pas parfait. Et finalement, ça a été retiré de la programmation. Mm-hmm. Je sais pas si c'était par souci de temps ou parce que c'était trop compliqué. Mais il y a encore du code dans le jeu qui existe. Okay. S'il y a la manette numéro 2 de brancher et que vous faites le tour du jeu, pendant la cinématique où Peach est libéré mm-hmm. et pendant les crédits de la fin, la deuxième manette peut contrôler la caméra. Ah! Donc, vous pouvez complètement scraper la fin du jeu, si vous voulez. Ça le c'est incroyable. T'envoies la caméra de n'importe où. Tu regardes pas Mario puis Peach, puis tu fais n'importe quoi. Puis t'entends juste des voix, mais tu regardes le ciel. Tu fais ce que tu veux. Puis ouais. C'est de toute beauté. Je vais passer maintenant à la manipulation des erreurs de code. OK, on peut... c'est pas parfait quand c'est programmé. Des fois, il y a des raccourcis qui sont pris pour sauver du temps et de l'argent. Mais quand on a accès à ces failles-là dans le jeu, ça peut donner des choses assez cocasses. Dans le niveau du désert, c'est possible de voler sans vie. De voler alors que Mario est censé être mort. OK, OK. Ouais. Donc, si vous entrez dans le canon et que vous visez le plus haut et le plus à gauche, vous allez frapper le mur du niveau, retomber, vous allez perdre la vie en atterrissant au sol, et après ça, vous allez tomber dans le canon. Mais si vous perdez toute votre vie, l'animation du canon va quand même partir. Okay. Et vous pouvez vous lancer dans les airs. Si vous avez le chapeau avec les ailes, eh bien, vous allez voler. Ah. Et Mario aura plus de vie. Donc, quand vous allez atterrir, il va tout simplement mourir. S'évanouir et mourir. Oui, exactement. Wow! Si vous allez sur le toit du château, donc le plus au fond à droite, et que vous vous accrochez au bord et que vous remontez, et que vous avez un pied à l'extérieur de la carte, c'est l'équivalent si vous mourrez. Donc, il y a la face de Bowser qui apparaît avec son rire et vous recommencez sur le pont. Tout simplement, oui. C'est chien, ça. Mais t'es pas supposé pouvoir faire ça. Ben non. Puis pourquoi si une personne irait là, premièrement? Ouais, ben ça, c'est juste toi, peut-être, non? Non, t'es toujours allé là tout le temps, toi, non, sur toi, apparemment, toi. Non? Ben pas sur toi, mais sur le fond du toit. Y a sur rien. Le fond du toit, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le premier monde, c'est possible d'utiliser les bombes, les bombes mm-hmm. pour passer à travers les grilles. OK. Ouais, donc si tu te mets de dos à la grille que tu déposes la bombe, ben Mario va passer de l'autre côté de la grille. Ah. Ouais, petite erreur du jeu. Parce okay. que l'animation de Mario doit se faire, même s'il y a un objet collision. Il doit lâcher sa bombe, il doit... OK. Wow. Il recule. C'est cool. Mais si la grille est là, tu vas tiens là passer de l'autre côté. Mm-hmm. Avec la deuxième clé, ouais, c'est ça. Quand il y a deux escaliers, pour un descendre au sol, une pour monter à l'étage, mm-hmm. ces escaliers-là, il y a un trou dans le plafond. Okay. Donc, si vous avez l'endroit précis, vous pouvez monter à l'étage au-dessus, à travers le plafond. OK. Et est-ce que tu as le droit d'y aller? Est-ce qu'il fallait une clé pour monter? Est-ce que ça va te faire sauter des tableaux? Ça prend les clés dans les deux cas. Ça permet pas de sauter une partie du niveau. OK. Ça permet juste de sauver, monter l'escalier au complet. C'est un raccourci. Ouais, c'est sûr. Ça sauve 2-3 secondes. Quelqu'un qui veut essayer. Pour faire un speedrun, ça pourrait être important. Ceux qui font les speedruns font ce truc-là. Tout le temps, ça. Oui, okay. Exactement. Les Womp, les fameux blocs de briques qui essaient de t'écraser. Uh-huh. Y a encore un problème avec la programmation. Si vous faites un saut, et que vous pesez pour faire une culbute, puis retomber les fesses sur le méchant. Là. Un stomping, genre. Ouais, exactement. Mais si vous faites ça en même temps qu'il essaie de vous écraser, ben les deux animations peuvent pas entrer en conflit. Ah. Donc, il va passer à travers Mario, et vous allez retomber alors qu'il est à terre. Ah. Donc, vous pouvez être invincible contre ces ennemis-là. Ben, c'est ça. Et ça marche aussi contre le Womp King. Le grand méchant, oui, boss exactement. De fin de tableau. Genre. Oui, c'est le tableau, je l'ai ici, c'est Womp Fortress. Oui. Bon, c'est ça. Ensuite... Ah oui, c'est ça. S'il y a une vie qui se dirige vers Mario, vous pouvez vous pencher et la vie sera pas capable d'atteindre Mario. Donc, elle va juste se promener autour de vous sans vous atteindre. Ça, c'est très drôle. Il y a un oiseau et un singe qui peut voler la casquette de Mario. Donc, dans le monde du désert et dans la montagne. Donc, c'est vous pouvez faire voler la casquette. Ça rend Mario plus faible, malheureusement. Ça y enlève des dons. Donc, c'est mieux de garder sa casquette. Ouais. Dans le niveau du désert, encore avec la casquette, si vous laissez l'oiseau prendre la casquette et qu'ensuite vous frappez l'oiseau qui échappe la casquette, vous allez dans le téléporteur en dessous du palmier, vous reprenez tout le téléporteur pour revenir en dessous du palmier et vous reprenez la casquette. Hein? Mario va garder la casquette dans sa main au lieu de la mettre sur sa tête. Hein, il va la garder dans sa... OK. Et l'oiseau, lui, a-t-il encore la casquette dans ses non. pattes? Non, parce que vous avez frappé l'oiseau pour qu'il l'échappe. Pour qu'il l'échappe, OK. Mais avant de la ramasser, vous allez dans le téléporteur et vous revenez. OK. Et là... l'animation, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il garde la casquette dans sa main. J'imagine qu'il est pogné à l'étape parce que j'imagine que l'animation contenait la casquette dans la main puis ensuite qu'il la met sur sa tête. Donc j'imagine qu'il est pogné sur le début de l'animation. Ça se peut très bien. Vraiment. Et si vous retournez dans le téléporteur, là, il va revenir avec sa casquette sur la tête normale. Okay. Donc vous pouvez canceller le problème comme ça. Ensuite, c'est possible de sauter la scène avec Lakitu, qui est le caméraman. C'est fatiguant, ça. Mais c'est assez incroyable. Ouais. Mais au début du jeu, il y a une longue cinématique où il nous explique le fonctionnement de la caméra. Si vous faites un saut en longueur, de l'extérieur du pont et que vous atterrissez sur le côté à la bonne place, vous sautez cette cinématique-là. Donc, des secondes précieuses, ouais. Et ça permet de ne pas voir justement Lakitu. Ouais, le gossant Lakitu. C'est possible d'aller sur le toit du château avec zéro étoile. Tu tripes sur le toit, je te l'avais dit, tu passes ton temps là. Oui, dans Mario 64, c'est la place où tu prends tes pauses. Ouais, tu fais des tableaux et tu reviens sur le toit. Je vais juste parler avec Yoshi et je reste là. C'est plus fin, il est fin. Ouais, c'est ça. Donc, avec zéro étoile, c'est possible avec la bonne combinaison de sauts d'arriver sur le toit. Je vais passer parce que je vois le temps qui file. Non, prends tout le temps qu'il te faut. Hein, je veux vraiment pas te presser. Ah ouais, ben il est quand même moins 10. Vas-y, fort pareil. OK, c'est bon. Je vais me fier sur toi. Hein? Moi, je te dis de continuer. OK. Bon, je vais continuer où ce que j'étais rendu ben, de bord. Ça, ouais. C'est ça, dans le début du niveau de la montagne, si vous faites un saut en longueur dans le mur vertical de la montagne, qui est directement en face de où on commence, il y a un endroit où vous passez à travers la montagne et vous vous retrouvez dans un étang d'eau, mais dans la montagne. De l'eau dans la montagne. Ouais, c'est ça. Évidemment, si vous nagez un peu trop loin, vous tombez du niveau. Mais si vous allez vers la chute d'eau, il y a un endroit où c'est possible d'être transporté jusqu'en haut de la montagne d'un coup. Très pratique pour sauver du temps. Okay, ben ça doit, oui. Mais il faut être au pixel près. Là. Ça demande de la pratique. Oui. Des heures de pratique que vous allez donc annuler ensuite en sauvant du temps. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je continue à monter là, de la manière normale, mais le truc existe. Ensuite, le lapin au sous-sol qu'il faut attraper, c'est possible de l'utiliser pour sauter une partie du niveau. Donc, si vous l'attrapez et que vous le déposez, encore une fois, Mario dos à la porte, vous déposez le lapin, Mario va passer à travers la porte. Donc, il est rendu dans une autre pièce. Mais vous avez encore accès au lapin parce que vous n'avez pas chargé l'autre pièce. Okay. Vous prenez le lapin et vous pouvez déposer le lapin de l'autre côté. Et là, vous passez par la porte pour charger la pièce. Ouais. Et là, le lapin est rendu dans l'autre pièce où il n'est pas censé être. Ah, wow! Vous pouvez répéter cette étape-là pour passer la porte du Bowser qui demande 30 étoiles. Okay. Donc, vous pouvez aller vaincre ce Bowser-là sans avoir le 30 étoiles demandé. Grâce au lapin. Grâce au lapin. Wow! Donc, c'est ça. C'est merveilleux, encore une fois, les belles animations qui peuvent pas entrer en conflit. Les animalations. Ouais, c'est ça. Dans le premier monde, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est assez farfelu. Si vous prenez une bombe, vous la lancez et vous la rattrapez avant qu'elle ait le temps d'exploser, eh bien, la bombe va soit devenir gigantesque, soit elle va avoir une face de « est morte » parce qu'elle va l'exploser, mais pas vraiment. Donc, soit avec des X ou des lignes au niveau des yeux pour dire qu'elle est morte. Et si vous allez, il y a des petites pentes où Mario, si vous courez un peu dessus, il va tomber à plat ventre puis glisser. Mm-hmm. Mais là, vu qu'il y a quelque chose dans sa main en faisant ça, quelque chose qui est plus censé être dans sa main parce que la bombe est censée avoir explosé, ça va disparaître. Mario va pouvoir se promener en continuant d'avoir l'animation comme s'il tenait quelque chose, mais avec rien dans ses mains. Le jeu est fait pour que Mario ait quelque chose dans ses mains. Ouais. Il va remplacer la bombe qui est plus là par un autre objet quelconque qui existe dans la banque du jeu et que parfois, il est utilisé nulle part dans les niveaux. OK. Cet objet-là peut être déposé et cet objet-là va rester dans le niveau, dans Bomb Battlefield. Dans le premier tableau, le classique. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y en a qui vont se servir de ça pour créer des plateformes suspendues à des endroits où il n'y en a pas dans le niveau. Okay. Ça a créé certains défis que vous pouvez retrouver sur YouTube, des gens qui vont chercher l'étoile sur l'île flottante sans utiliser le bouton A. Aïe aïe! Oui. C'est le, cool. Ouais, j'ai vu quelqu'un le faire en 13 minutes. Il touche jamais au bouton A. Le bouton A étant le bouton pour sauter, ouais. Je vous le rappelle. Donc, il réussit à faire ça. Il prend des bombes, il fait cette affaire-là, puis il va déposer les objets dans le vide. L'objet reste suspendu et il se crée un pont jusqu'à l'île. Hey, t'imagines l'imagination que ça prend pour avoir pensé à faire Je ça. Je sais pas comment il y en a qui font pour penser à ça. Quelque chose. Encore dans Bomb Battlefield, avec la casquette, une fois qu'on l'a débloquée, si on fait le triple saut et qu'on arrive juste le dernier saut devant Koopa de Quick, qu'on est censé faire une course contre lui, on va commencer à voler, mais on va quand même avoir enclenché l'événement de la course. Mais vu qu'on est en train de voler, il peut pas avoir le dialogue avec Koopa et le vol en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est se rendre au sommet de la montagne et aller s'accrocher où la course est censée finir. Donc après le poteau avec le drapeau. Mm-hmm. Et au moment qu'on va atterrir là, le dialogue avec Koopa va commencer. Okay. Donc on va réussir à battre Koopa de Quick en 0 seconde. Ben oui, parce c'est qu'on ça. Est déjà au fil d'arrivée. Ah. Et si on retourne à l'endroit où devrait être Koopa de Quick, il est encore là. Donc on a encore le contact avec lui, mais il est transparent. Ah. Donc il n'existe plus. Mais on peut quand même rentrer dedans. OK. C'est assez particulier. Ouais, ça je veux voir ça. les projets pour d'autres jeux ou qu'est-ce qui a été fait avant. Donc, Super Mario 64 2 avait été planifié. Mm-hmm. Pour le Nintendo 64 Disk Drive, le Nintendo 64 DD. OK. La console est un flop monumental. Ça va être une console CD qu'on devait attacher au Nintendo 64. Un peu le même principe que Genesis et Sega CD. Ouais. Fait que ça, c'est ce qu'il avait fait. C'est flop monumental. Donc, tous les jeux ont été cancellés là-dessus. Et dans le jeu, on devait avoir justement Luigi. Donc, d'autres éléments de plus. Et beaucoup de ces éléments-là ont été repris pour Super Mario 64 DS. La version, oui, sur DS avec 4 joueurs. On pouvait exactement, jouer avec Wario, c'est etc. ça. Mais ça devait être normalement fait pour Super Mario Bros. 2. Cool. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez particulier, mais le projet n'a jamais été complété. Dommage. Et Mario 64 était supposé être au Super Nintendo et non Nintendo 64. Il a été retardé. Mais ça, c'est ce qui est arrivé. Finalement, il a été transféré à l'autre console. Petite particularité, vu que c'est le premier jeu en développement, la manette a été faite en Super fonction Mario. Du jeu. OK. Donc, d'où la caméra, entre autres, j'imagine. Exactement. Mmh. Donc, eux, ils ont fait Mario et ils ont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour la manette pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire dans le jeu? Ça a donné une manette extraordinaire. Tu peux la tenir de plusieurs façons. Exactement. Gâchette en dessous. Donc, le jeu de caméra, c'est parfait. Les types de sauts, ces affaires-là, le bouton Z en dessous. Donc, tout était pensé en fonction de ce qui avait été programmé pour le jeu. Donc, cool. Ça, c'est une merveilleuse idée. Et après ça, tout le monde a pris le modèle de la manette pour faire le jeu ensuite sur la console. Bon. Est-ce que t'en reste beaucoup? Il me reste à peu près... Oui, c'est très court. Il me reste une demi-page. OK, allons-y. OK, parfait. On pas de problème avec ça? Oui. Sans aucun problème. OK, c'est bon. Version bêta du jeu. Changement des voix de Mario. Donc, si tu veux faire jouer l'extrait 3, la voix originale de Mario. Allons-y, maintenant. Non, c'est l'autre. C'est la 4. C'est l'extrait 3. Pourtant, allons-y avec l'extrait 2, alors. Tiens. Ah, OK, c'est mon erreur d'avoir sur ma feuille. C'est pas grave. Alors, let's go. 1990. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Pour nous rappeler qu'il est italien. C'est ça. Ah, mamma mia. Donc ça, c'est la voix originale de Mario. Et maintenant, l'autre extrait que t'avais fait jouer pour mon erreur. Hein? Celui-là. Oui, exactement. C'est la voix qu'il devait avoir au départ. Donc, comme on peut voir, c'est extrêmement aigu. Oui. Donc, c'est une voix aiguë qui aurait été très désagréable pour les joueurs, je pense. Encore plus. Oui, c'est ça. Ensuite, le niveau qui se déroule dans l'eau, donc Jolly Rogers Bay, le tableau est différent pour l'édition japonaise à l'édition nord-américaine. Sur l'édition nord-américaine, on voit le bateau. Sur l'édition japonaise, c'est juste des bulles. Okay. Donc, petit chaleur qui a été fait ici. Quand Bowser est vécu, il y a une explosion dans laquelle la clé apparaît. Et dans l'explosion, il y a plein de scènes. C'est que dans le bêta, il n'y avait pas de clé. C'est juste qu'on pouvait ramasser 20 scènes. Quand on bat Bowser, mais l'animation n'a pas été retirée. Ah! Donc, c'est encore des scènes qui éclatent. Mais il n'y a pas de scène à ramasser. Ah. Super Mario World, il y a un méchant qui sort de la lave. Oui. Que ça, tout le monde un connaît. Un blarg. Ouais, c'est ça. Il a été fait pour Super Mario 64. Oh. Il existe dans le code. OK. Mais il n'est pas dans le jeu. Ah, ben voyons. C'était pourtant un ennemi cool. Oui, il était supposé dans le niveau de la lave. Mais non. Ensuite, il y a une animation d'œufs de Yoshi. Comme quoi que Yoshi devait tenir un rôle un peu plus grand au départ. Mais à la place, on le trouve juste sur le toit à la fin. Les hiboux, au départ, contenaient les clés et non des étoiles. Okay. On devait normalement avoir des clés pour débarrer des portes dans lesquelles il y avait l'étoile. Donc, ça a été changé un petit peu par après. Mm-hmm. Simplifié, mettons. Oui, il y a un trampoline qui existe dans le jeu, qui nous fait penser un petit peu à Mario Bros. Sur au Nintendo. Oui. On avait des trampolines pour sauter. Il y en a une pour Mario 64 en trois dimensions. Ça a été... On s'en sert pas, mais non, là. Elle existe dans le code. Pour finir, les hacks. Donc, il existe des très bons hacks de Super Mario 64. Super Mario Star Road, Super Mario 74, Super Banjo-Kazooie 64. Ah, cool! Oui, on ramasse des toits dans les niveaux de Banjo avec Mario. Et Super Mario Kaizo. Donc ça, c'est suicidaire. Tout a été fait au plus dur. OK. Ouais. Essayez si vous voulez du bon défi. Et dans le code de Mario, on pourrait s'attendre, vu qu'on peut pas ramasser plus qu'une casquette à la fois, que chaque animation était faite indépendamment. Et pourtant, dans Super Mario Kaizo, on peut ramasser les trois casquettes en même temps. OK. OK, c'est la seule place où on peut. Et pourtant, si on met toutes les casquettes, on a un Mario qui a même les ailes, la casquette métallique aussi. Parce qu'il est métallique, son corps est métallique. Exact. Et en plus, qui est transparent. OK. Donc, ça veut dire que le jeu avait quand même fait toutes les animations, même si en aucun cas, on peut combiner les casquettes. Wow! Merveilleux. Donc, c'est ce qui conclut tous mes beaux secrets et informations pertinentes de Super Mario 64. C'était énormément d'informations. Moi, j'en ai appris pas mal de choses là-dedans. Je trouvais ça cool. Il y en avait que je connaissais déjà parce que je suis aussi un fan de Mario 64, mais j'ai appris au moins des choses et ça, je dois te dire que j'en suis reconnaissant. Merci beaucoup. On va te retrouver au moins une fois de temps en temps au Mathieu Plancheau. Exactement. Probablement dans deux semaines environ. Oui, ça s'enligne pour ça. Génial, c'est Samuel Girard. On te retrouve à Génie en Liberté les lundis à 9h30. Ok, oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. C'était pas mal le temps qu'on fasse cette chronique-là. Alors voilà pour le Mathieu Plancheau. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis de 13h à 15h. Les heures de la diffusion vont être annoncées bientôt, mais pour l'instant, je vous retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Au Palmarès C'est Fou les mercredis à 14h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Likez sur Facebook, facebook.com/MathieuSplancheau de la part de toute l'équipe fictive. Et qui en ce moment n'est pas seulement fictive, mais contient quelqu'un de plus que moi, Samuel Girard. De la part de toute l'équipe, Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante, vous avez été planté. À la prochaine!